hear that, Harris. I got older, she gets younger. They all get younger, you get older. John Cassavetes, Ben Gazzara, Peter Falk. Les trois inséparables de Husbands le sont aussi dans la vie. Au jeu des questions-réponses, les trois vus par Peter Falk tendrement. Who do you think is the craziest of you three? John. Yeah? Yeah. Who is the most successful with women? Which of the three is the most successful with women? I have to say Benny because of the voice. His voice has such timbre. If I had his voice, in other words, his voice and my looks, that would be wonderful. Benny. Who's the funniest? If you're talking about unintentionally funny, I am. If you're talking about intentionally funny, that's, do you know the expression of photo finish? In a horse race, two horses go, you can't tell who wins. I would say John and Ben, intentionally funny. I'm being as diplomatic as I can. Don't be. I won't see it. Who's the laziest? Me. No problem. Who gets the most scared? Me. Who's the most stubborn? John. That's good stubborn, probably. I don't know if it's good. The most courageous? John. The most vain? Benny. But it's a photo finish between all three. The most happy with himself? The most happy with himself. Who's the most content with himself? Yeah. Who is most comfortable with himself? I would say... I would probably say John. Yeah. The most handsome? Me. The most charming? Me. The most dirty old man? Nobody. The most Italian? Benny. And the most Greek? John. And the most Jewish? Me. And the more, the happiest, the merriest? Well, the merriest, the happiest, yes. As opposed to an even-handed contentment, you mean? I would say that for me. Me. Yeah. Me. And the saddest? I don't find any of us sad. Bonjour, bonjour, vous êtes bien donc toujours sur Radio Libertaire, à la radio de la Fédération Anarchiste pour Bulle de Rêve, présentée par Florentine Grelier et Alexis Huneau. Waouh! Ouais, je me suis dit, j'ai écouté une émission de Francis Gavel qui se présente lui-même et je me disais, putain, pourquoi je me présente pas moi aussi, pourquoi on se présente pas? Bientôt on aura un jingle, vous savez, comme dans les grosses radios, au front. Bulle de Rêve, une émission de Alexis Huneau et Florentine Grelier. Mais pour l'instant, on n'a pas ça, donc voilà. Mais c'est très bien comme ça. Donc, Bulle de Rêve, l'émission 100% cinéma d'animation qui parle d'animation puisque les autres émissions en parlent très peu, donc on est bien obligé d'en parler. Vous pouvez réagir pendant l'émission au 01 43 71 89 40. Voilà, on le fait encore bien, on n'a pas préparé. Alors aujourd'hui, on va faire une émission spéciale, au moins dans la première partie, sur quelque chose d'assez étonnant qui s'appelle le labo d'image, le laboratoire d'image, pas le labo. Le laboratoire, on dit, c'est ça. Laboratoire d'image, et la voix que vous avez entendue, celle de Christian Janicot. Bonjour Christian. Bonjour. Merci d'être là, qui est l'instigateur et qui va nous parler un peu plus de ce très très bel, je sais pas événement, mais en tout cas... Expérience, merci. Alors, on va continuer. Alors, on a un réalisateur, Raphaël Calamotte. Bonjour. Qui a réalisé un film de la première saison. Oui, enfin, on était sept, hein, quand même. Oui, oui, t'inquiète pas. Rien, non, mais j'ai même fait les choses sur l'une de mes petites fiches. Vous avez noté, voilà. Ouais, tu vois, il y a des trucs. Donc, qui a réalisé Musorama, qui tout va me fait. Parler un petit peu de son expérience. Je suis très content d'avoir Bruno. C'est pas que je suis pas content, je suis très content d'avoir Christian et Raphaël ici. Je suis très content d'avoir Bruno Salamone ici parce que on a rarement des gens qui sont des graphistes, en tout cas qui sont illustrateurs et qui se mettent au cinéma. Donc merci beaucoup d'être là. Et puis bonjour dans le café. Pour moi, en plus, je suis ravi parce que le plus beau film de cette seconde saison. Donc je suis vraiment content de l'avoir ici. On a Bastien Dubois qui est connu pour avoir réalisé un film qui s'appelle Madagascar, qui a fait le tour du monde. Bonjour Oscar, voilà, bonjour, et qui nous parlera plutôt en deuxième heure. Vous entendrez une autre voix que vous aimez absolument, qui s'appelle la voix d'Olivier Catrin, évidemment, qui viendra en tant que producteur, et on parlera un petit peu de ce qui se passe au jeu d'animation avec les films d'étudiants qui prennent de plus en plus de place, et qui voilà, voir un petit peu au niveau de la production comment ça se passe et toutes ces problématiques là, les bonnes choses et les mauvaises choses. Mais permettez-moi alors d'abord de désannoncer, comme on dit. C'est Francis qui dit ça, donc je dis aussi désannoncer le générique. Vous avez entendu en premier Silent Love, qui est un morceau d'un monsieur qui s'appelle Joe Hisaishi, qui était en concert cette semaine, musique d'un film de Takeshi Kitano, Sin at the Sea, l'un des plus beaux films de Kitano, l'une des plus belles musiques de Hisaishi. Il l'a pas joué en concert, donc c'est pour ça que je le mets aujourd'hui, puisque je en voulais de pas l'avoir joué en concert et d'avoir massacré Totoro. Mais voilà, mais on était content de le voir quand même. De nous avoir mis ses chansons en anglais alors qu'il est japonais, enfin voilà. Ah, Totoro, c'était pas si massacré que ça. Elle a bien fini le concert. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça, les chansons en anglais. Mais on a vu Hisaishi, donc tout le monde était un petit peu extatique, et puis voilà. Et juste après, vous avez entendu la voix de Peter Falk, donc qui est décédé hier. Peter Falk qui expliquait un petit peu, voilà, dans les trois compagnons qu'il a eu, dans les deux compagnons, notamment Cassavetes et Ben Gazzara. Dans Husband, et il expliquait un petit peu le qui était le plus sérieux, qui était le plus drôle, et c'était un très beau moment de cinéma, l'émission de Michel Pouju. Voilà, donc c'était je voulais rendre aussi hommage à Peter Falk, et puis c'est mon émission, donc vous me permettrez de faire une petite chose, c'est de dédier cette émission à quelqu'un qui m'était cher, qui est mort cette semaine, qui était quelqu'un de ma famille, ma tante, et voilà, elle faisait les meilleurs raviolis du monde, et puis donc voilà, elle va me manquer. Et pour ça, on va écouter une petite musique, qui est le morceau 3, avant de passer à l'agenda. Elle est née en 1933. En 1933, sur les ondes, on écoutait Paroles de Jean Nohain, musique de Mireille, chantée par Jean Sablon, Le Petit Chemin. Donc on écoute ça pour lui rendre hommage. Voilà. Ce petit chemin, ce petit chemin. Pour aller à la préfecture, prends la route numéro 3. Tu suis la file des voitures et tu t'en vas tout droit, tout droit. C'est un billard, c'est une piste, pas un arbre, pas une fleur. Comme c'est beau, comme c'est triste, tu feras du 130 à l'heure. Mais moi ces routes goudronnées, toutes ces routes me dégoûtent. Si vous m'aimez, venez, venez, venez chanter, venez flâner. Et nous prendrons un raccourci. Le petit chemin que voici, et ce petit chemin qui sent la noisette, ce petit chemin n'a ni queue ni tête. On le voit qui fait trois petits tours dans le bois, puis il part au hasard en flânant comme un lézard. C'est le rendez-vous de tous les insectes, les oiseaux pour nous, ils donnent leur fête. Les lapins nous invitent, souris-moi, courons vite, ne crains rien, prends ma main dans ce petit chemin. Les routes départementales, dont les vieux cantonniers sont rois, ont l'air de ces horizontales qui m'ont toujours rempli d'effroi. Et les poteaux télégraphiques ont un ombrage insuffisant pour les idylles poétiques et pour les rêves reposants. Ah bah les routes rebattues, les tas de pierres et la poussière, et l'herbe jaune des talus, les cantonniers, il n'en faut plus. Nous avons pris un raccourci, le petit chemin que voici. Et ce petit chemin sans la noisette, ce petit chemin m'a tourné la tête. J'ai posé trois baisers sur tes cheveux frisés et puis sur ta figure toute barbouillée de mûres pour nous surveiller. Des milliers de bêtes s'étaient rassemblées par-dessus nos têtes, mais un lièvre au passage nous a dit soyez sages, ne crains rien, prends ma main dans ce petit chemin, ce petit chemin. Donc voilà, vous êtes toujours Bulle de Rêve, vous êtes moins habitué à entendre ce genre de musique, mais vous êtes encore moins habitué, et là vous êtes hors micro, fallait être hors micro et avoir Bastien Dubois chanter Le Petit Chemin quasiment en direct. C'était assez impressionnant, Le Petit Chemin chanté ici par Jean Sablon, non pas par Mireille comme on la connaît plus souvent. Et maintenant, encore une plus belle voix quasiment que celle de Mireille, Florentine nous fait son agenda. Pour l'agenda de l'animation jusqu'au 16 juillet, donc ce sera notre... Notre prochaine émission et dernière émission, je pense. C'est horrible, on a oublié de dire que pendant, c'est pas bien, mais pendant que Florentine fait son agenda, n'hésitez pas à aller sur le site de Web Anime et Bulle de Rêve pour regarder plein d'images, du labo d'images. Vous pouvez même regarder, il y a un lien sur le site de Bastien, il y a un lien sur le Vimeo de Raphaël, enfin, etc. Vous avez plein de possibilités, voilà. Et maintenant, promis, je me tais, excuse-moi. Bon, je me fais engueuler par les auditeurs. Je commence par les projections, donc par plusieurs festivals. Le festival du film merveilleux du 30 juin au 2 juillet au Théâtre 12 dans Paris 12e. Donc c'est la deuxième édition. C'est organisé par l'association Taloula. Donc il veut amener le public à s'émerveiller et s'amuser grâce à l'imaginaire des artistes. Donc ça mélange prise de vue réelle et animation. Et au niveau de l'animation, il y a plusieurs courts-métrages qui sont proposés, dont Planète Z de Momoko Seto, qui est en ligne en fait depuis peu. Non, la bande-annonce. C'est la bande-annonce, mais il me semble que je l'ai aussi vue en ligne. Moi, je l'ai pas vue en entier. Alors, ce n'est que la bande-annonce, mais qui est très jolie. Ouais, donc, super beau. Voilà, donc c'est de l'animation de moisissure en macro. Qui est une artiste japonaise qui travaille au Frénois notamment. Et Planète A était absolument magnifique. Planète Z. Produit par Sacre Bleu en plus, tout à fait. Voilà. Sacre Bleu qui a produit aussi Madagascar. Voilà. Petit monde. Donc, on y retrouve aussi une séance dédiée à la boîte de production Timto, donc pour les plus petits, et aussi un moyen métrage, donc là qui est en prise de vue réelle, mais je vais quand même en parler, qui s'appelle Ready Made, Émile Reynaud et la peinture s'anima de Stéphanie Varela, qui est en fait l'auteur du seul livre existant sur la peinture animée, et donc qui a fait un film sur Émile Reynaud, donc quand même en lien, un grand lien avec l'animation et le pré-cinéma, et donc on recevra peut-être dans une émission. Et avec qui tu as travaillé cette semaine? Avec qui je fais une formation cette semaine. Parfait. Voilà. Oui. Donc, aux mêmes dates, donc toujours du 30 juin au 2 juillet, cette fois-ci à Tourcoing. Ça, c'est l'exposition Cadécole, donc qui est organisée par le Pôle Image Nord-Pas-de-Calais et qui va permettre de faire découvrir plus de 60 projets de fin d'études de 19 écoles différentes. Donc, c'est des projets pas forcément d'écoles d'animation. Il y a du graphisme, de la vidéo, des installations. Et parmi ça, donc j'ai vu qu'il y avait des films de fin d'études, par exemple de Les Aides de Roubaix, mais également tous les derniers films de Supinfocom de la promo juin 2011 qui seront rendus publics pour la première fois. Bon, c'est bien. Il faut aller voir celle de l'ESAT parce que je travaille à l'ESAT. Superfocom m'a pas encore engagé, donc quand ils m'ont engagé, je pourrais faire beaucoup plus de pubs pour eux. Donc voilà, allez voir l'ESAT. Mais c'est bien aussi Superfocom. Donc on revient à Paris avec le festival Paris Cinéma, gros festival donc de chaque début d'été qui propose plus de 250 films dans une quinzaine de lieux différents. Cette année, c'est le Mexique qui est à l'honneur et bon, de nombreux hommages, rétrospectives et compagnie. Mais alors, au niveau de l'animation, donc j'ai un peu fouillé, voir, il y a plusieurs choses. On a un hommage à Michel Oslo, donc réalisateur de Kirikou la sorcière et Azur Asmar, avec l'avant-première de son nouveau long métrage Les Contes de la Nuit en 3D relief. Voilà. Et à ne pas manquer surtout une rencontre avec. Envie de profiter du 3D relief avant que ça soit évidemment fini. Oui, c'est déjà un peu sur la fin. Dans pas longtemps, donc voilà, profitez-en. Et donc, Michel Oslo vient au studio des Ursulines le 10 juillet à partir de 18h pour rencontrer le public. C'est une séance présentée par Bernard Genin. Et avant, il aura une carte blanche où il montre plusieurs courts-métrages qu'il a aimés. Donc voilà, donc rencontre avec Michel Oslo. On a aussi là une rencontre. Dans un autre genre, une rencontre, une masterclass avec Julien Schreyer, qui est directeur technique de de la mise en lumière au sein du studio Pixar. Donc en fait, il y aura l'avant-première de Cars 2. Il y aura une rencontre avec... oui, pardon. Vous avez bien compris que Alexis... ah, il paraît que Cars 2, j'ai un peu regardé... et le Pixar qui marche le moins bien et qui a été assez descendu en flèche là depuis sa sortie. Justement, il y a pas mal d'articles en ce moment sur Internet sur le tournant un peu Pixar qui commence à faire de moins bons films. En tout cas, depuis donc, le monde de Nemo, c'est un vaste débat. On a déjà donné trop de paroles. Voilà. Donc Cars 2 en tout cas sera en avant-première et à cette occasion, il y aura deux courts-métrages inédits de Pixar, donc La Lune, ouais, La Luna d'Enrico Casarosa et Vacances à Hawaï de Gary Ridstrom. Voilà, deux courts-métrages qui sont pas encore passé au cinéma. C'est vraiment pas bon. C'est Toy Story, c'est, oui, c'est les personnages. La Luna, de Barbie j'ai pas et vu, Ken, Barbie oui, de tout, Ken, de tout bon. Et la Luna, Christian, fait des grands gestes en disant c'est pas bon. Donc voilà, donc, ouais, voilà, donc on passe à Alice de Yann Sonckmeyer. Okay. Si vous ne l'avez toujours pas vu, à force qu'on vous le répète à chaque émission, qui passe donc le 12 juillet à 20h au Grand Action et pour séance présentée par Pascal Vimenet. Donc allez le voir sur grand écran. Bah, de toute façon, vous l'avez déjà vu, donc allez de nouveau le voir. Bien sûr. Ça paraît évident. Et donc pour finir, il y a plusieurs avant-premières de films d'animation, dont certains qui, bon, je vais en reparler dans les sorties cinéma, mais il y a surtout Tatsumi de Eric Koo, ouais, qui est une très très voilà, bonne surprise de qui a été donc à Cannes et Annecy, ouais, et qui est adapté du manga autobiographique du célèbre mangaka Yoshihiro Tatsumi. Et qui n'est pas complètement réussi, mais qui à mon avis à un moment donné important dans l'idée de la production du long métrage animé aujourd'hui. C'est évident qu'il y aura pas un avant et après, mais en tout cas c'est un film important. Ensuite, on passe à la Cinémathèque française qui nous diffuse Fritz the Cat. Et oui, pour les 50 ans de la Semaine de la Critique, le lundi 11 juillet à 14h30 dans la salle Henri Langlois. Voilà, donc célèbre film de Ralph Bakshi qui est sorti en 72, qu'il faut avoir vu. Et à la Cinémathèque française, c'est encore mieux. C'est plutôt pas mal. Il passe pas mal de films érotiques aussi. Là. Ils aiment bien la Cinémathèque. Ça doit être ça. Donc ensuite on part à Mouans-Sartoux à côté de Cannes pour le festival Cinéma Brut, donc du 15 au 17 juillet, qui est le festival de la création alternative et qui nous propose une section très éclectique de courts, longs métrages, prises de vue réelles, animes, expérimentales, un peu de tout, avec une ambiance apparemment assez libérée. Enfin bon, ils vendent beaucoup l'ambiance du festival. Et alors il y a de l'animation par-ci par-là et il y a surtout des choses qu'on peut voir un peu nulle part ailleurs, dont le film Septimana de Sylvain Capelletto, qui est en fait un film d'animation inspiré des écrits du Marquis de Sade, qui apparemment, selon Chloé Maslow, qui a fait la section, est assez, assez trash. Voilà, ils ont mis ça dans une section qui s'appelle Megasex. Enfin, bon, ils ont donc plein comme ça. Libéré. Le libéré, d'accord, on comprend mieux maintenant le mot libéré. Non, mais voilà, il y a un peu de tout. En tout cas, il y a des choses, qu'on voit nulle part ailleurs. Donc, ceux qui sont à côté de Cannes, allez-y. Et alors, pour finir, donc, je vais vous parler d'un afterwork cinéma. Donc, c'est des séances ou des rencontres qui ont été mises en place par l'association Crocanime depuis le début de l'année, qui alternent un peu soirées de réseautage où les membres, enfin les gens qui veulent viennent, parlent ensemble, on prend un coup, etc. Et des rencontres avec des réalisateurs. Et il se trouve donc que le vendredi 15 juillet à 19h, c'est une séance sur moi. Donc voilà. Voilà, donc je vais présenter mes deux courts-métrages. Quand on me l'a proposé, j'étais un peu gênée. Je croyais pas que j'avais fait tant de choses que ça, mais bon, je vais montrer ce que j'ai fait, mes exercices, voilà. Deux courts-métrages, mais donc si vous voilà, voulez bon. me rencontrer, donc c'est deux rues Boyer dans le 20e, donc le 15 juillet à 19h, et je vais montrer, des éléments de production, des storyboards, des choses comme ça, pour discuter un peu de comment je fais les films. Et de toute façon, elle parle super bien de son boulot, donc n'hésitez pas à y aller, c'est super intéressant. T'as oublié juste de dire pour le Forum des images aujourd'hui, demain, oui, qui passe le festival d'Annecy. C'est vrai que j'ai pas repris parce que j'avais là, dit la dernière fois. Mais... Là, en ce moment, il passe Chico et Rita, donc vous l'avez loupé. Ce soir à 19h, il y a les courts-métrages. Demain à 14h30, il y a les films d'étudiants et les films de télé. Et ensuite à 16h30, il y a Colorful de Kei Ishihara. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Colorful est un très très beau film. Il sort qu'en janvier, donc allez le voir. Les courts-métrages, voilà. Vous pouvez voir sur internet Pixel. Enfin bon. Non, j'ai dit du palmarès d'Annecy. Vas-y vite. Ah, tu veux pas en parler? Bon, d'accord. Donc, les sorties cinéma. Trois sorties le mercredi 6 juillet. Donc, on revient un peu aux avant-premières qui vont être faites à Paris Cinéma. Il y a Hop, donc réalisé par Tim Hill, à qui on doit déjà Alvin et les Chipmunks et Garfield 2. Ouais, ça, c'est pareil. Voilà. Très, très, très donc, mauvais. Il n'y avait pas encore de film fait sur le lapin de Pâques. Ben, maintenant, il y en a un. Et c'est bien de le sortir en plein été. Voilà. Ensuite, donc Chico et Rita, on en a parlé déjà pas mal de Fernando Trueba et Javier Marisdal. Ouais, il y en a un quatrième, un troisième. Qui est moins connu, évidemment. Qui n'est jamais cité, pour le coup. Parce que Trueba, donc on n'en parle pas. Et j'ai un trou de mémoire, évidemment, sur le nom en ce moment-là. Mais un film intéressant, en tout cas. C'est un film sur le milieu musical de La Havane à la fin des années 40 qui s'inspire du vécu du musicien Bibo Valdés. Bon, voilà, pour un peu vous situer. C'est joli, faut aller le voir. Je suis pas absolument fan, mais c'est joli. Et donc, troisième sortie un peu étonnante, il y a Tex Avery Cartoon numéro 2, donc en fait, qui est une compilation de 12 courts-métrages de Tex Avery de 43 à 54. Voilà, si vous voulez les voir sur grand écran. Voilà. Bon. Alexis, on reste. Et juste, je voulais vous rappeler que c'était la fête du cinéma à partir d'aujourd'hui pendant 7 jours. Donc, le principe, c'est qu'on achète une première place au tarif normal, puis c'est 3 euros la séance. Donc, si vous voulez aller voir les films que vous n'avez pas encore vus, comme Le Chat du Rabbin ou d'autres films d'animation ou d'autres. Et dans les informations d'hiver, on commence par une exposition qui s'ouvre ce soir. Donc, l'exposition À voir et à manger d'Alexandre Dubosc qu'on a reçu l'année dernière. Donc, qui est une exposition qui regroupe une partie de ses travaux photos et films, donc dont Food About You et tous des trucs en stop motion qu'il a fait autour de l'alimentation et la nourriture. Donc cette exposition a pu voir le jour grâce à l'aide du site ulule.com. Donc c'est très important. Il a eu de nombreux donateurs et soutiens qui ont permis de faire l'expo, d'avoir un lieu, de pouvoir faire. On en avait un peu parlé ici à un moment donné. C'est un peu le futur de peut-être de une partie du futur de la production avec des gens sur Internet qui en effet vont sur des sites. Et j'ai un ami qui va faire un documentaire sur Casavette, c'est qui a mis son film, et puis voilà, on pourra avoir des choses en échange, et en effet ça peut être quelque chose de vraiment intéressant, bonne alternative en tout cas à la production. Donc le vernissage c'est ce soir de 18h à 21h, mais les autres jours la galerie est ouverte de 9h à 21h, donc n'hésitez pas, c'est à la galerie de l'hôtel Zebra Square dans le 16e. Voilà. Ensuite un petit mot sur l'exposition sur Chico et Rita, donc à la galerie Martel le 10 juin au 3 septembre qui expose donc les recherches de Javier Marisdal pour le film. Voilà. Ensuite, un petit mot pour dire que comme tous les ans, les 5 génériques réalisés par les deuxième années des Gobelins pour le Festival d'Annecy sont en ligne. Et puis il y en a pas mal quand même. Donc moi, mon préféré, c'est Hello Brooklyn. Non, mais j'aime bien. Avec tous les trucs, là, avec Kaleidoscope et avec tous les personnages qui arrivent tous ceux-là, ils sont super beaux. Mais il y en a donc, des jolis. Allez les voir, parce qu'il y a des choses sympas. Cette année, ils ont... Ensuite, je vais repasser la parole à Alexis, peut-être pour la sortie du livre sur Bill Clinton, Portrait d'un serial cartooniste. Donc, qui est écrit par Lucie Mérigeau aux éditions Bazar & Co. Et Alexis. Ouais, c'est une espèce de truc après un truc. Oui, en fait, je suis directeur de collection directeur là-bas. De collection, donc, j'ai beaucoup suivi le livre de Lucie qu'on espérait recevoir, pas aujourd'hui parce qu'il y avait déjà beaucoup de monde, mais peut-être le 16 juillet, elle sera en vacances. Quelle idée de partir en vacances, Lucie. Donc voilà, donc on espère. En tout cas, Bill Clinton est un personnage important, on aime ou on n'aime pas. Je peux très bien comprendre qu'on n'aime pas ce personnage-là. Il est le seul à se construire sur son petit endroit là-bas à New York, seul à faire ses films indépendants, tout seul, sans argent, sans CNC, sans rien. Alors oui, ça agace la plupart des gens parce qu'il vient dans tous les festivals et il vend tous ses trucs en disant « Regardez, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi !» Oui, mais c'est vrai qu'il habite quand même toujours dans son petit studio à New York. Il a peint une grande maison, il a peint une limousine. Il fait absolument tous les festivals du monde pour essayer de récupérer le plus d'argent possible pour les mettre ensuite dans ses films. Donc on peut considérer que c'est dommage. Moi-même, je suis le premier à penser que s'il s'arrêtait un petit peu et s'il avait un scénariste, et ben ça serait mieux. Et voilà. Mais bon, au moins c'est un personnage. Voilà, c'est une figure importante du monde de l'animation. Et je pense que c'est important qu'il y ait un livre aussi qui sorte et qui parle un peu de lui, de manière aussi de son œuvre, avec une longue interview à la fin de lui, parce que je considère que c'est bien les gens qui font des analyses comme ça, mais c'est bien qu'il y ait une longue interview. Et donc je finis. Ah d'accord, je pensais que c'était pardon. Non, c'est très bien. Donc je finis avec le vote pour la bande-annonce de la fête de l'animation sur Food Anime. Donc ça, on va peut-être en reparler un peu plus tard. Donc l'Association française du cinéma animation qui organise tous les ans la fête de l'animation partout en France, donc a lancé, a eu un partenariat avec Food Anime pour le défi des fous de Food Anime qui est à peu près tous les 6 mois, pour donc lancer un appel à la bande-annonce. Et donc, il y a eu 12 participations et en ce moment, il y a les votes. Donc, vous pouvez les voir. On en reparlera en deuxième partie, évidemment. Il y a toujours cette idée de commander quelque chose, de ne pas forcément payer, etc., etc., de voir comment ça se passe. Et voilà, moi, je vais dire quelque chose sur les films, mais non, je n'irai rien. Bon. Et j'ai fini mon agenda, mais je voyais... Non, parce que je trouve qu'ils n'ont pas fait suffisamment d'efforts en disant « c'est une bande-annonce ». Et je trouve que j'ai regardé des films et on n'est pas dans des bandes annonces. Une bande annonce, quand on a une commande, on fait ce qu'on veut, mais quand on a une commande, c'est une bande-annonce, c'était pour vendre à un festival, vendre en tout cas, essayer de... Et en fait, il y a très peu de films qui sont des bandes-annonces, il y a pas mal de gens qui se sont fait plaisir, il y a des très jolies choses, hein. Vraiment, il y a des trucs qui sont super bien faits, des trucs qui sont rigolos, mais on n'est pas dans quelque chose où on se dit « Ah, j'ai envie de voir ce qu'il y a derrière ça, ce qui est la base d'une bande-annonce après tout », et ça, je suis un tout petit peu désolé par rapport à ça, mais bon. Dis un mot à la fin, parce qu'après on dirait que tu parles tout le temps, tu l'as jamais compris. Non, mais t'as raison. Enfin, après, c'est un vaste débat. C'est vrai qu'entre c'était une commande, mais en même temps, ça reste un défi des fous. Donc les réalisateurs doivent se faire plaisir. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Bon, allez, après, donc on va faire une petite pause. Après, on va avoir une heure donc sur le laboratoire d'images. Il y aura plein de choses à dire et ça va être passionnant. Attention, alors, on a commencé par le petit chemin. On va changer complètement de style musical pour le reste. Vous allez avoir de la musique, comment dire, elfestienne. Je reviens d'un festival, Hellfest, le festival de l'enfer, qui porte bien son nom, qui est un festival de métal. Et donc, toutes les musiques vont être, pas tous, après j'ai essayé de faire des trucs un peu plus rigolos, mais on commence par Kroger, qui est un groupe suisse, qui a un morceau qui s'appelle Hummers versus Pedestrian, The Redemption Through Loseness, qui est leur dernier CD, et c'est parti. Alors ceux qui n'aiment pas trop la musique forte, baissez un petit peu, mais ça va, hein, j'essaie d'être cool avec vous. Donc Nicolas, c'est le morceau d'après, on écoute. We'll be right back. hop là, vous nous avez coupé, ça a coupé juste, on disait plein de bêtises. Hors antenne, vous écoutiez Kruger, donc on avait changé un peu de ton, que j'ai découvert récemment au Hellfest. Vous inquiétez pas, pour ceux qui aiment, il y en aura encore 3 ou 4 autres morceaux, 3 morceaux au moins, qui viennent après, un peu différents. Alors, le laboratoire d'images, Christian, Janico, quand on regarde, il y a deux choses en fait au début. Quand on regarde la biographie de Christian, c'est l'anthologie du cinéma invisible. Oui. Déjà, juste pour voir qui est Christian Janico, voilà. c'est quelque chose qui est malheureusement plus disponible. Ça a eu pas mal de succès, ça a été très vite épuisé. Il se trouve que, pour la petite histoire, il y a eu aussi un passage à Bouillon de Culture, ex-émission de Bernard Pivot. J'avais fait le générique de cette émission. Donc Pivot m'a invité, et le lendemain, c'était en rupture de stock. Donc l'idée était passionnante, c'était tous les scénarios qui n'avaient c'était en fait été, des scénarios de poètes, essentiellement, poètes et écrivains essentiellement, et certains plasticiens qui n'ont jamais vu le jour. Et donc une anthologie de, je dirais, de projets un peu dingue, parce qu'en fait, avec des méconnaissances totales et d'écriture scénaristique à proprement parler, ou cinématographique, et puis surtout avec des désirs complètement contraires à l'image qu'on se faisait de certains d'entre eux. Par exemple, Saint-Exupéry, c'est un projet de traite des blanches en Amérique du Sud, et puis inversement, Sartre, qui avait monté une boîte de prod avec Queneau et Boris Vian, écrivait des trucs, des histoires drôles. Et puis Desnos, qui est quelqu'un que je respecte beaucoup, faisait des espèces de, un peu comme Artaud, des films qui se déroulaient à l'envers et qui étaient censés en fait représenter un petit peu l'entièreté de sa vie juste avant la mort. Donc c'était des projets très atypiques déjà pour l'époque, hein, de toute façon. Hein. Mais il y avait aussi des projets de Romain Rolland qui dessinait ses propres projets de films, comme La Révolte des Machines, par exemple. C'était des trucs sous le manteau, d'une certaine façon, parce qu'ils avaient tous peur de se faire piquer en même temps une idée qui était assez invendable, déjà. Mais ils avaient... c'était des choses comme ça qui étaient assez étonnantes, quoi. Donc il y a déjà... C'est intéressant de commencer par là. Il y a déjà cette envie de... Alors, évidemment, au cinéma, il y a souvent le mot, mais quand même, de mélanger le mot et l'image, on va voir que ça revient, ou en tout cas le dessin, tout ce qui est plutôt calligraphie, en tout cas. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, j'ai été typographe, donc ce mot est une constante de toute façon. Et puis il va y avoir un prochain laboratoire là qui va ouvrir ses portes très très bientôt et qui va explorer justement les mots au sens. Ça va être une fabrique de littérature graphique. Donc là, on va explorer le mot, mais le mot qui risque de s'animer aussi. Il y a eu un très beau con, malheureusement, qui n'est pas édité, japonais, comme ça, monsieur qui anime les mots, comme ça, et qui animait les mots par rapport aussi aux mots anglais. Donc, d'où est venue l'idée du laboratoire d'images, est venue donc de ça, de cette confrontation? Comment c'est venu? L'idée du laboratoire d'images, c'est d'abord, pour faire un petit historique, c'est la direction de Supinfocom qui... je connais l'école depuis très longtemps, j'ai assisté à beaucoup de jurys dans le passé. Et la direction de Supinfocom, à un moment, me demande d'inventer un exercice, parce que tout à coup, les normes européennes changent. Ils sont obligés de passer de 4 à 5 ans, et donc ils cherchent un exercice pour les 5e année, ou un exercice qui peut s'intégrer dans la pédagogie de l'école. Mais un exercice pratique, si j'ose dire, parce qu'en fait, ils constatent, un, que les écoles d'animation ne sont pas forcément des écoles d'art, donc introduire un artiste... Enfin, c'est un peu le travail que je faisais en tant qu'éditeur ou en tant que... Voilà. Donc, intégrer un artiste et répondre à une chose qui est, assez abstraite pour les étudiants à cette époque-là, c'est de dire l'exercice, il faudrait qu'il soit très pratique et qu'il soit comme une espèce de préfiguration au réel de ce qu'ils vont trouver quand ils vont sortir de l'école et qu'ils vont se retrouver donc dans la vie réelle. Donc, inventer un exercice où on commence par une commande, mais avec une dimension artistique. Voilà. Je me fais fort de demander à Pascal Faure des programmes courts, de lui parler de l'idée que j'ai en tête, d'inviter des artistes à Supinfocom et d'inventer une espèce de masterclass. Canal répond oui tout de suite. Globalement, ça a été la conception de projet la plus facile que j'ai eue de ma vie, d'une certaine façon, parce que le dossier n'est toujours pas écrit que le projet a été lancé, ce qui est quand même rarissime pour la télévision. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, donc tout ça s'est monté, je dirais. Un peu comme ça, d'une certaine façon. D'accord, hein. Il y a eu un enchaînement. Ce serait bien que les écoles aussi puissent ramener des artistes graphiques, c'est important. Ce serait bien que les écoles d'animation, si les directeurs pédagogiques m'écoutent, fassent rentrer un peu plus de cinéma aussi dans les écoles d'animation, pour ne pas oublier qu'on fait du cinéma d'animation aussi, et ça serait bien. Ça manque énormément, l'idée du cinéma, hein, mais bon. C'est des histoires de croisement indispensables. L'un n'empêche pas l'autre, bien évidemment, bien au contraire. Donc voilà, ça c'était la petite chose. Pourquoi le choix de l'école Suminfocom? C'est comme tu dis, c'est eux qui te l'ont donc proposé. C'est eux qui me l'ont proposé, puis moi j'ai un petit peu sauté sur l'occasion, parce que je pense que l'image de synthèse est arrivée à une maturité exceptionnelle et d'une beauté rare. C'est-à-dire que c'est un outil globalement que chacun peut rêver, hein, quand même. Hein. Sauf que on peut rêver à un outil absolument magnifique comme l'image de synthèse, mais aussi on peut rêver à d'autres écritures. Et le principe du laboratoire, c'est de rêver à d'autres écritures graphiques. Donc de réussir, c'est intéressant parce que en fait, Bruno, toi, j'ai regardé récemment, c'est drôle quand on découvre. Je pensais pas. C'est toujours comme ça, on a des petites fiches et puis d'un seul coup on pense à autre chose. Parce qu'on parlait numérique, quand on regarde sur le Vimeo, faut remonter à 2007 et tu fais déjà des cartes de vœux sous Flash. Ah oui, mais. Donc c'est quelque chose qui t'intéresse aussi très très très rapidement. Ouais, mais moi je suis autodidacte en animation. Enfin, je suis illustrateur à la base et j'ai toujours fait de l'anime pour le plaisir en fait. Des petites expériences comme ça, des cuisines. Voilà. Ouais, donc c'est quelque chose qui t'a... J'ai connu Flash Zero, quoi, le premier. Faut que tu te mettes plus devant le... Ouais. devant le micro. Moi, j'ai pas l'habitude de parler dans un micro. Bon, mais regarde, entre nous, c'est bon. Non, mais c'est intéressant quand j'ai regardé ça. Donc, ça fait que toi, t'avais pas cette appréhension, parce que la plupart des graphistes qu'on voit dans mon sommaire, c'est « Oh là là, on va faire bouger mes trucs en 3D, c'est une horreur, je veux surtout pas qu'on fasse bouger. » Toi, t'avais pas cette appréhension-là, ou tu l'avais quand même un peu? Moi, j'avais l'habitude du travail en équipe, parce que je suis aussi animateur pour des boîtes de prod sur des pubs, sur des clips en parallèle de mon travail d'illustrateur. D'accord. Et ça fait 2 ans que je commence à faire un peu de réalisation et j'ai déjà fait un petit film. On va en parler après. L'an dernier. Magnifique. Oui, quand on va. Qui était un peu une expérience. Enfin, c'était une sorte de collage expérimental, sans prétention au niveau de l'animation. Et finalement, ça a plu. Voilà. Comment se fait, Christian, le choix? Parce que, alors, moi, je suis nul. J'y connais rien en illustrateur, j'y connais rien en graphiste. C'est vraiment pas du tout. Mes étudiants connaissent tout ça par cœur, mais moi, j'y connais vraiment pas. Et beaucoup de gens disent que le choix est à chaque fois. C'est pas parce que Bruno est là, on va pas. Mais en tout cas, il y a un excellent choix au niveau des graphistes. Juste, on va dire quand même. Hop là, mes petites fiches. Mais oui. Je suis sûr que je l'avais noté. Merci. C'est les deux. Je suis quand même un peu déçu de moi, parce que je suis sûr de l'avoir noté à un endroit et j'ai perdu cette petite fiche. Donc, on a Kilofer, Guillaume Plantevin, Alexios Kioyas, je suis désolé pour les prononciations, Jean-François Matin, Speedy Graffito, les Jean-Claude, Henning Wagenbrett, Lisa Lugrin et Clément Xavier, Placide, Chiquioto, Muso, Rocco, ça c'est pour la première saison, et la deuxième, Beb Deum, Brecht, Vandenbroek, Sophie Dutertre, Bruno Salamone, David B., François Avril, Laurent Durieux, Thierry Guitard, Séverine Assous, Stan Evans. Comment se fait ce choix-là? Je sais que des fois il y a des agents de graphistes derrière, des choses comme ça. Est-ce qu'il faut faire attention à piocher un peu partout, ou tu fais plaisir. En fait, c'est plutôt comme si j'avais un collage à faire et c'est un collage. On fait pas de collage avec de mauvaises images d'une certaine façon. Hein. Ça, j'y crois pas du tout. C'est une espèce de collage dans un premier temps idéal de gens que soit je connais pour une partie, soit que j'ai envie de rencontrer pour l'autre. Et puis un choix. Aussi de gens qui sont disponibles à tel moment ou pas. Et puis le troisième, c'est aussi là pour reprendre le collage, c'est des gens qui ne se marchent pas dessus esthétiquement parlant, qui sont suffisamment différents les uns des autres pour pouvoir coexister ensemble. Parce que, comme tu l'as dit, ça c'est diffusé dans une émission qui s'appelle Monsomadaire. Et à un moment, ils sont tous là, les 10 sont là, les uns après les autres dans cette émission. Et voilà, c'est aussi... Donc il faut mélanger tout ça, il faut prendre les gens que tu as envie de voir, les gens qui ne se ressemblent pas. Que j'ai envie de voir, enfin que j'ai envie de rencontrer aussi, enfin voilà. Donc il y a un vrai coup de cœur par rapport à ça. C'est un milieu si machiste, le graphiste. Il y a deux femmes, il y a une femme en premier, il y a deux femmes dans le deuxième. Alors, il n'y a pas de femmes, hein, ou tu n'as pas envie de rencontrer des femmes illustratrices. Non, il y a des femmes, mais en fait, les femmes illustratrices sont plutôt... dans la majorité des cas pour l'univers enfant et pas tellement adulte, il n'y a pas tellement de femmes je dirais graphistes malheureusement, alors je ne peux pas les inventer non plus, mais elles sont plutôt côté livre pour enfants. Bruno, il n'y a pas de... Ouais, je pense que dans la BD il y en a pas mal. Oui, peut-être dans la BD. Là, tu sais, globalement enfin, je souhaite que le laboratoire continue et il y a un champ d'action et un champ de possible qui est fantastique. Hein. Parce que je trouvais ça étonnant. Enfin, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont complètement différentes. Moi, encore une fois, je n'y connais pas. C'est juste de voir tous ces noms d'hommes, finalement, et de voir, enfin, dans celui-là, ben, Séverine Assous et Sophie Dutertre, et de voir deux personnes. Et en plus, qui, moi, sont deux des films que j'aime beaucoup, en tout cas, qui m'intéressent énormément dans cette saison-là. Et je trouve que ça amène aussi quelque chose d'avoir... mélange aussi. Puis des écritures encore différentes. Là, et voilà, c'est ça, d'avoir des gens complètement différents. Je trouve ça plutôt intéressant. Comment ça se passe? Donc, ça, c'est. Il y a le Canal Plus qui se met. C'est quoi? C'est un préachat? Ils achètent, ils disent on va donner tant, on achète le programme pour une heure, pour Monsomadaire. Comment ça se passe, les achats? C'est plutôt une somme par film, d'une certaine façon. D'accord, comme ils achètent plutôt par. Voilà, avec. Ça s'est institutionnalisé comme ça, d'une certaine façon. Enfin, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que. Tout s'est construit d'une façon un peu empirique. Mmh. Je dis ça parce que quand je suis allé voir Canal, ils ont évidemment accepté le projet tout de suite. Et enfin, pour moi, c'était vachement bien. Mais c'était dans la logique que si on installait cette masterclass dans l'idée de faire comme en vrai, il fallait que la logique aille jusqu'au bout et qu'il y ait une diffusion aussi pour ces films-là. Et en dehors de la diffusion, pour moi, je me faisais fort aussi de montrer le travail de ces étudiants et de ces artistes par le biais de l'édition. Et donc, là, on a fait un coffret pour la saison 1. Et on va même pousser le bouchon à demander aux artistes de dessiner la fiche de leur propre film, d'une certaine façon. Donc, en fait... il y a comme une espèce de linéarité, je dirais, professionnelle, qui est, je pense, assez complète, en fait. Il y a une... La station animation, c'est une boîte de prod dans le premier, ça, parce qu'il y en a une... Il y a Cargo Film qui est dans le deuxième, qui a repris. Donc, ouais. La station animation, qu'est-ce qu'ils font? Dans ce cas-là, ils sont là pour gérer la prod. Dans la première saison, c'était les films d'ici qui étaient à la production déléguée, et puis la station animation en production exécutive. Et là, pour la saison 2, c'est Cargo avec Jean-Jacques Benex qui a pris la production. Comment ils travaillent avec l'équipe pédagogique? Comment c'est possible de mettre en place? Il y a plusieurs choses qui sont comme ça, hein, depuis des années, Canal J. Fait ça, par exemple, hein, Canal J propose à des écoles en France de travailler. Alors, sur une pure commande, on n'est pas avec un artiste, on est sur une commande avec un sujet, par exemple, ce genre de choses, mais Canal J vient une fois. Mmh. Ils viennent une fois à un moment donné, ils disent, ah ben, votre projet, non, c'est pour les 3-8 ans, il ne faut pas faire ceci, etc. Là, comment ça se passe au niveau, on va voir évidemment avec Bruno au niveau des artistes, mais comment ça se passe au niveau de la production? Est-ce qu'ils viennent voir les étudiants ou non? Alors, non seulement ils viennent voir les étudiants, mais on installe les artistes dans l'école. La boîte de prod, hein, je parle là. Ah, d'accord. Qu'est-ce que fait la boîte de prod? Elle gère beaucoup de choses, parce qu'en fait, il y a le déplacement, la régie, le déplacement, parce que la plupart des artistes sont parisiens, les écoles sont soit à Valenciennes, soit à Arles, soit en Belgique aussi, ou pour le cas de Brecht-Vanderbroek. Donc il faut gérer tout ça. Il faut gérer les déplacements, il faut gérer comme un producteur classique gère une, une somme d'argent pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse travailler correctement. On peut avoir une idée de l'enveloppe pour chaque film ? Combien coûte un film ? Alors, dans la première saison, les films ont coûté... alors maintenant, je ne suis pas le producteur, donc c'est un petit juste peu... Juste pour voilà, mais, l'apport de Canal+, au départ, c'était de 7 500 € par film. D'accord. Donc c'est une économie, je dirais, très... limitée, ouais. Très, oui. C'est, mais en même temps, il faut considérer ça comme en tous les cas... les choses, j'espère, vont aller en s'améliorant parce que c'est compliqué de faire des films comme ça. Donc j'espère que ça va s'améliorer. Donc, mais juste... en même temps, c'était vraiment un peu, je le répète, mais, enfin au risque de me répéter, c'était un c'est peu pas... compliqué. Mais donc il y a que ça, c'est-à-dire qu'il y a. Bon, y a après il y a eu. Il y a 7 500, il y a la boîte de prod ramène de l'argent un petit peu, il y a des choses. Alors derrière. Pour le coup, moi je suis pas producteur, donc. Ouais. Donc mais il y a une obligation pour les producteurs de toute façon de mettre des sous dans la moindre production qu'ils montent de toute façon. Donc et puis il y a eu, je pense qu'il y a eu, il y a dû y avoir peut-être pas la SCAM. Enfin relativement peu quand même, hein, parce que quelques aides, d'accord. Voilà, c'est une histoire qui commence en fait. Oui, parce qu'on en est évidemment qu'au deuxième. Il y a une envie de, aujourd'hui on peut le dire, une envie d'aller vers d'autres écoles. Il y a quelque chose, on va pas rentrer sur Infocom. Est-ce que ça continue ? Est-ce qu'on peut le dire ? Est-ce qu'on peut avancer ? Est-ce qu'il va y avoir ce que tu voulais ? C'était dans la presse. Hein, il y avait Jean-Jacques Benex racontait quand il avait été à l'MK par rapport à Angoulême. Alors Angoulême, il y a d'autres écoles qui sont. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour le Est-ce que ça va s'ouvrir à d'autres, voire même à d'autres artistes ? On était ensemble. On va rien cacher. On était ensemble au Maroc au Festival de Meknès. On disait que ça pourrait être intéressant aussi d'amener des artistes contemporains. Du marocain, tunisien, algérien, enfin voilà, d'amener d'autres choses. Qu'est-ce qui va se passer ? Ben là, on sait que la saison 3 va exister, mais c'est vrai que toutes les écoles sont partantes pour pouvoir assister, être partie prenante dans cette histoire, parce qu'en fait, c'est une aubaine pour beaucoup, d'une certaine façon. Elles ont toutes envie de rentrer dans le jeu d'une certaine façon. Donc tu parlais de l'MK, l'MK a envie de prendre un certain nombre de films, la Cambre va prendre un certain nombre de films, Méliès est intéressé par le fait d'y aller aussi, Supinfocom à Arles a demandé aussi à continuer à en faire, peut-être un peu moins, mais en tous les cas, de continuer quand même. Voilà, et globalement, en plus, moi, je fais un casting, je dirais, un petit peu hors frontière en ce moment, parce que j'ai très envie, à la longue, de pouvoir inviter des artistes espagnols, italiens, anglais, allemands. Si la Cambre s'y intéresse, on passe à autre chose que la synthèse, puisque la Cambre, absolument, fait pas tellement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi une ouverture à, finalement, toutes les techniques d'animation, on peut imaginer du volume, on peut imaginer donc plein d'autres possibilités. Absolument. Et puis inversement, il y a pas un artiste qui n'a pas envie d'y participer aussi, hein, parce que tu parles d'ouverture, mais il y a aussi celle-ci, c'est-à-dire que je pense que c'est aussi pour les illustrateurs, c'est très important d'apprendre aussi à animer leur univers. Il y a de plus en plus d'outils qui nécessitent le fait qu'ils soient présents au niveau de l'animation. Est-ce que c'est si important que ça ? Est-ce que, par exemple, Bruno, toi qui dis qu'il y a un peu entre les deux, est-ce que tu connais peut-être des illustrateurs, toi, tu as vraiment envie, mais qui n'ont peut-être pas envie ? Enfin, il y en a certains qui disent, ils le font peut-être par amitié ou par... challenge, j'en sais rien, mais qui n'ont pas du tout envie de voir, je visiblement. Je pense que c'est pas une nécessité de passer à l'animation quand on est illustrateur ou auteur, parce que la plupart des illustrateurs font des livres, des albums, que ce soit de la BD ou du livre pour enfants, mais... Et on est bien dans deux choses complètement différentes. Et l'animation, c'est autre chose, et puis il faut aussi peut-être avoir envie de raconter des histoires, c'est quand même du cinéma, je sais pas, faire des films, c'est une grosse machine, quoi, il faut... Je sais que la plupart des illustrateurs qui ont travaillé sur le projet de Christian ont été surpris de voir quand même que c'était beaucoup, beaucoup de travail, quoi, un gros investissement. Il y a, dans mon sommaire, il y a un moment très drôle avec deux jeunes qui montrent un flipper, qu'on fait un flipper, et je sais plus avec quel artiste, et qui dit « Vous avez passé combien d'heures dessus ?» Et qui lui, en effet, se dit « Mais moi, je fais mon dessin !» Et eux ont passé des heures et des semaines pour faire un flipper, pour avoir le moindre détail. Combien de temps ils ont ? Puisque c'est pédagogique, c'est dans une Vendée. Combien, je crois que c'est 8 semaines. Mais c'était un peu moins. Je crois que Mizorama, j'avais vu. Raphaël, il y a marqué 6 semaines. Vas-y, ouais. prends le micro de Bastien. Bah, nous, on avait 6 semaines, ouais. C'est ça, hein, c'était 6. Nous, six... on est peut-être la seule équipe avec le film qui avait été fait, Le Fantôme de l'Apéro, je crois que c'était avec ça. Rocco. Avec Rocco. Je crois qu'on était les seuls à tenir vraiment le rythme soutenu de 6 semaines pour un film de 3 minutes. C'était énorme, tu te souviens? C'était pas mal. Hein. C'était du fallait travailler. Ouais. Voilà. Comment ça s'est passé sur Mizorama? On va voir, mais puisqu'on parlait un petit peu de production, etc. Dans l'idée de pédagogie, on va parler du film après, la rencontre avec Muso, mais déjà dans cette idée de pédagogie, est-ce que toi tu l'as ressenti comme quelque chose qui t'a boosté, qui a été super important? Ben écoutez, moi oui, personnellement. Après, c'était pas pareil pour tout le monde, mais personnellement, pour moi, oui. Ouais, toi, ça a été. Bah écoutez, je vous explique exactement comment ça s'est passé. Bah en fait, on devait choisir entre Canal J, donc faire les films pour Canal J, ou alors le nouveau truc qui arrivait, donc le laboratoire d'image. Et puis tout le monde se battait pour aller sur Canal J, puis moi j'aime pas me battre. Donc du coup, je suis allé sur le laboratoire d'image. Donc on a eu le droit de voir quand même les images. Je vais pas appeler ça un storyboard, mais on va dire quelques croquis du dessinateur. Et puis bon, moi, l'un dans l'autre, je me suis dit de toute façon, ce sera une production, ce sera intéressant. Donc à partir de là, je vois pas pourquoi ne pas y aller, quoi. Donc du coup, je suis allé directement. Et au final, bah, j'en suis bien content. Voilà. Est-ce que, Christian, il y a des rencontres qui se font pas? Est-ce que dans le laboratoire 1 ou le laboratoire 2, sans dire de nom, on n'est pas là pour dire non, mais est-ce qu'il y a des fois où il y a des rencontres qui se font? On le voit, c'est pour ça aussi que je suis content que Bruno soit là, parce qu'on le voit dans mon sommaire, qui se bat quand même avec les élèves en disant, il y a un moment donné très drôle avec une élève qui dit, oui, on va peut-être faire, on va essayer de respecter, et il fait, oui, vous allez respecter mon style graphique. Non, mais on sent qu'il sait ce qu'il veut, et puis il y en a d'autres, on a l'impression qu'ils sont un peu plus évasifs. C'est arrivé d'avoir qui disent, oh là là, pourquoi je suis rentré dans cette galère, faut que j'en sorte. Ah, oui, puis il y en a même qui ont été refusés par les étudiants. Parce qu'en fait, je voulais aussi, si on parle de laboratoire, on peut aussi se dire que il y a des artistes qui travaillent, d'une façon abstraite, enfin, qui construisent des images abstraites. Et moi, ça m'intéressait de voir justement qu'est-ce qui pouvait se passer. Et alors, il y a eu un refus total par exemple, un rejet total des élèves par rapport au fait de travailler sur. Voilà. Parce c'est que vrai, c'était. Certains... Oui, voilà. Mais, alors, pour répondre plus directement à ta question, il y a un peu tous les cas de figure. Il y a des gens qui sont, il y a des gens qui sont très très enthousiastes, d'autres qui se laissent faire, je dirais, parce que ils n'ont pas les moyens d'appréhender un outil, parce que c'est pour beaucoup, enfin pour la majorité d'entre eux, ils ne savent pas ce que la machine a dans le ventre d'une certaine façon, donc c'est un petit peu compliqué d'appréhender ça comme ça, donc ils se laissent faire d'une certaine façon, et donc un peu comme David B par exemple, à un moment il a la sagesse de dire ben je suis là parce que esthétiquement c'est mon univers, mais je vous laisse aussi travailler dessus parce que voilà. Puis d'autres qui refusent absolument le fait qu'on touche un iota de leur voilà. Et en même temps, ça donne des choses extrêmement belles aussi, comme celui qui le fait. Voilà, il y a vraiment tous les cas de figure. Toi, t'es là pour regarder, pour dire, pour essayer d'atténuer des deux côtés, pour dire aux étudiants, non mais attendez, écoutez-les aussi un petit peu, écoutez les artistes, aux artistes, attendez, c'est des étudiants, ils n'ont pas le même âge non plus, on a deux confrontations. De temps en temps, il faut les séparer. Ouais. Oui, parce qu'à un moment, personne ne comprend ce qu'il doit prendre de l'autre, d'une certaine façon. Donc, à un moment, pour un des films, au final, c'est devenu pour moi un vrai petit chef-d'œuvre, mais il a fallu que je les sépare, parce que à un moment, les étudiants avaient compris, mais l'illustrateur, il tenait à son machin, et puis, voilà. C'est pas évident. Ouais, Bastien ? Comment ça se passe au niveau de l'écriture ? Est-ce que c'est les illustrateurs qui sont en charge de ça, ou les étudiants ? Et est-ce que l'écriture fait partie de la période de 8 semaines dont vous avez parlé ? Non, en règle générale, on arrive chaque artiste arrive avec son projet qui peut avoir différentes formes. Hein. Ça peut aller du traitement au storyboard un peu avancé. Donc, il y a tous les cas de figure là aussi qui se passent. Par contre, dans l'idée d'améliorer le labo d'année en année, on sent que l'écriture est quand même la base des choses et qu'on a envie aussi d'intégrer des tas de scénaristes dans l'histoire. On en a déjà discuté. Est-ce que on va pas mentir, on a déjà cité en micro. Est-ce que le fait d'amener des scénaristes on s'éloigne pas un peu du laboratoire d'image, on n'en vient pas à quelque chose de beaucoup plus produit finalement comme un vrai petit court-métrage? Non, parce que celui de Sophie Duterte, par exemple, il y a un scénariste. D'accord. Mais tout dépend avec qui on travaille. D'une certaine façon, on n'est pas obligé de faire du commerce parce que il y a des scénaristes. C'est pas le but de l'histoire. Donc, par contre, ça peut. C'est important de structurer dans une équipe aussi importante parce que c'est quand même 8 personnes. C'est voilà, il faut que chacun soit à sa place et puis il faut que chacun prenne du plaisir. Donc, je pense que l'écriture n'est pas un frein. Au fait de faire quelque chose de beau. Hein. Bon, Florentine a sorti les gâteaux, donc c'est-à-dire qu'il faut faire une pause. C'est comme ça, elle ne le dit pas, mais elle me sort les gâteaux, elle dit attention, il y a une pause. Donc on va faire une petite pause et on va revenir évidemment. Ça va nous permettre de boire et donc de manger les gâteaux et les barquettes. Hein. Florentine est fan des barquettes. Et on va écouter un groupe, donc le prochain morceau, qui s'appelle Clutch, de leur album Blast Tyrants, et c'est Promoter of Earthbound Causes. Ça dure que 3 minutes. On écoute. Voilà, vous êtes revenu et Raphaël parle. Parce qu'il disait que c'était des films expérimentaux. Je disais, faut pas exagérer non plus. L'expérimental, c'est quand ça va dans tous les sens. Enfin voilà. Qu'est-ce qui est encore expérimental aujourd'hui d'ailleurs? Oups. C'est une expérience. Quand même. C'est une expérience, voilà. C'est une expérience, voilà. Vous avez entendu Clutch et après la musique des garots qui est de. De Christophe Provincial, donc, alias Micus Nul. Voilà, ça c'est du nom, qui est tiré donc des garots. Malheureusement, je vous ai juste fait entendre 2 minutes d'un film qui fait 5. Comment se fait la rencontre? Raven nous a un petit peu dit comment toi ça s'est fait, Bruno. T'as été, il y avait 150 étudiants, il y avait enfin plus de 100 étudiants, et t'es arrivé, t'as dit ben voilà, moi je fais ça. Non, moi c'était le pire moment de ma vie dans un amphithéâtre. Parce qu'il faut savoir, je suis assez réservé, anxieux et timide, et je supporte pas de m'exprimer en public. Et donc là, c'était donc une présentation de chaque artiste dans un amphithéâtre avec tous les étudiants de l'école plus d'autres personnes. Et finalement, on devait présenter notre univers, se présenter aussi, projeter des dessins. Moi, j'ai projeté aussi un film. Et à la fin de cette présentation, les étudiants devaient s'inscrire sur des listes pour nous choisir. Donc ça, c'était bien, puisque on se retrouvait avec des étudiants vraiment motivés par l'univers. Moi, j'ai été surpris, parce qu'il y a eu trop d'étudiants qui se sont inscrits à ce moment-là. Donc après, ça a été dur, il y avait deux groupes qui voulaient travailler. J'aurais bien aimé pouvoir travailler avec les deux, parce que bon, je les ai tous rencontrés. Et finalement, c'est, je crois, les étudiants 3D SMAX, voilà, c'est ça, qui ont gagné contre les étudiants Maya. D'accord. C'est par voilà, logiciel c'était... et par... là où j'étais surpris, c'est que tu es l'un des seuls. Il y a 3 filles et 2 garçons. Oui. C'est ça? Oui, dans mon groupe, oui. Dans le groupe, il y a plus de filles. Ah oui, mais il y a vraiment beaucoup de filles. Je crois que c'est le seul, dans non les, dans les écoles de 3D. Il y a de plus en plus de filles. Il y a de plus en plus de filles maintenant. Dans le groupe de Brecht aussi. Ah oui, c'est nouveau, parce que Bastien, qui est Super Infocom, Raphaël, c'est pas. C'est nouveau, mais il y a de plus en plus de filles, oui. D'accord. Non, elles arrivent. D'accord. Donc c'était parce que je trouvais que c'était pas étonnant pour ton univers, que je connaissais pas, hein, j'avoue avant, mais que des filles soient plus attirées. Autre chose, en fait, moi j'ai vu que souvent ils dessinaient tous super super bien, quoi. Enfin, c'est une école de 3D, mais c'est des super bons dessinateurs. Donc je pense qu'à un moment ils ont dû choisir, enfin les filles aussi, entre faire des livres, faire de l'animation, une école d'animation 2D ou 3D, et finalement ils sont allés peut-être vers la 3D aussi pour s'exprimer dans leurs dessins. Mais voilà, ça, c'était. Comment ça s'est passé? Tu avais déjà ton idée quand t'es allé là-bas, au moment où tu te présentes. Olivier se met en place. Merci beaucoup, Olivier, d'être venu. Donc t'arrives avec tes dessins, une histoire, quelque chose de très très précis déjà. Oui, assez précis. Christian, vous avez demandé, je crois même d'avoir le storyboard à ce moment-là. Moi, je devais être un peu en retard sur le storyboard. Mais j'avais une histoire qui était pratiquement terminée, mais avec encore des petites zones de flou. Donc ça, c'était réglé aussi avec les étudiants qui ont aussi un peu changé des cases dans le storyboard, réagencé l'histoire pour au niveau de la compréhension. Donc le scénario était pratiquement terminé et j'ai eu des conseils d'un script doctor, un assistant scénariste, je sais pas comment dire. Mais donc l'idée était là en fait. C'était une rencontre entre 2 dessins. Donc j'avais un point de départ, un point d'arrivée, 2 dessins assez forts dans mon travail et je voulais vraiment que l'histoire se passe à ce niveau-là. Raphaël, question aussi. Comment c'est passé? Juste parce que quand on voit le travail de Bruno avant, on se dit qu'il a déjà une idée de la mise en scène. Je sais pas par rapport à Museau, mais je me dis encore une fois, c'est 2 métiers bien différents. Est-ce que Museau lui avait une idée de la mise en scène? Parce que c'est l'un des problèmes aussi un petit peu qu'on va avoir, c'est qui est l'auteur entre guillemets et qui est le réalisateur finalement du film? Parce que un auteur, c'est une chose. Il y a l'auteur graphique qui est derrière. Là, il n'y a pas d'hésitation. Il y a les techniciens entre guillemets, c'est-à-dire les animateurs. Est-ce que les deux sont les réalisateurs, sachant qu'évidemment un réalisateur, c'est un seul coup de dire ah ben tiens là on va faire un plan fixe, on va faire un travelling, on va faire ça. Comment s'est passé toi avec Museau? Ben nous en fait on a pas mal comparé avec le boulot qui avait été fait avec l'illustrateur Rocco. Et en fait Rocco ils avaient un storyboard qui était fait par Museau pour le film de Rocco, et puis nous donc on allait faire le film de Museau et puis on avait 3 cases. trois cases en noir et blanc, encre de Chine, enfin un truc très très simpliste, presque dessin de presse, vraiment voilà. Et puis bon, après pour le coup, on avait par contre peut-être 250 illustrations de Museau. Donc on a feuilleté, on a regardé, elles nous ont, enfin beaucoup d'illustrations nous ont beaucoup plu. Du coup, on en a sélectionné une partie et en fait, on a fait un storyboard à partir de ce qu'il voulait lui, donc une promenade dans son univers, quoi, donc un Museaurama. Et voilà quoi, donc mais c'est nous qui avons composé. Mais donc la réelle vient plus de vous en fait, dans ce cas-là. Au final, ouais. Est-ce qu'on l'a vu ça dépend des cas. Museau, là pour le coup, ouais, ça dépend des cas, mais là pour le coup, nous c'était vraiment. Enfin, on l'a vu que deux fois, donc au final, il était là au début, peut-être pour qu'on lui explique le storyboard, enfin qu'est-ce qu'allait être son film, et une fois à la fin pour le visionner quoi. Et voilà. C'est pour ça qu'il y a marqué, je me rappelle plus dans la première, je sais que dans la deuxième saison, maintenant c'est bien, fais bien attention, il y a marqué un film 2. Et il y a dans la première saison aussi. Dans la première saison aussi, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée de. En fait, il y a une idée qu'il y a un artiste qui donne un univers, donc c'est un univers 2, mais co-réalisé, parce qu'il y a un contrat de co-réalisation entre et l'artiste et les étudiants. Par contre, je sais qu'il y a un petit problème à ce niveau-là. Je sais pas du tout. Je sais pas si on peut le dire. Hein, moi, est-ce que les artistes, qui est payé? Parce que je crois que les étudiants ne sont pas payés, ne sont pas rémunérés. Alors ça c'est une histoire un petit peu abracadabrante, parce qu'en fait au départ il était question de les rémunérer pour des questions de juridiques, mais en fait l'école refuse, puisqu'en fait à un moment il faut pas non plus être totalement absurde, c'est-à-dire que les étudiants payent et payer des étudiants qui payent une école, c'est un peu particulier si tu veux à gérer. Donc contradiction. C'est-à-dire que voilà, tu te retrouves dans une contradiction totale, si tu veux. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas arranger les choses, voilà. Mais à un moment, il y a une volonté de l'école de ne pas faire rentrer d'argent dans l'école. Parce que là, ça pose un problème, et ça tombe bien qu'Olivier arrive. Mais Raphaël, toi, tu me disais, on s'est vu à Annecy, tu me disais que les droits d'auteur que toi tu as récupéré, évidemment, comme vous êtes 8. Bah oui, c'est sur chaque passage télé, c'est quasiment. Mais on a touché une petite somme quand même au moment de la réalisation. Juste après. Je ne comprends pas. Alors, vous avez touché une petite somme de quoi? Sous la table. Je ne comprends plus comment ça se passe. On vient de dire qu'il n'y avait pas d'argent qui était donné aux étudiants. Non, c'est rien. C'est l'histoire de 100 euros par personne. Pour nous, c'est... Je sais plus ce qui s'est passé dans la première saison. En fait. Non, mais c'est parce qu'en fait, on a râlé. Hein, parce qu'on est des étudiants, donc évidemment, il faut qu'on râle. Quoi. C'est normal. Et donc, on voulait avoir un contrat parce que, bon, on savait très bien qu'on allait être diffusé. On savait très bien que, évidemment, des diffusions, ça rapporte des sous, sinon ça ne se ferait pas. Du coup, on a mis Léo là, on a fait non et tout, nous on veut des contrats avec des sous et tout, signés et tout. Et donc du coup, on nous a présenté des contrats qu'on a signés et puis on a eu une somme, peut-être 1000 euros à partager à 7, un truc comme ça. Ouais. D'accord, donc il y a eu... Donc, Olivier. C'est des droits d'auteur, donc Bonjour. C'est pas des salaires. Bonjour Alexis. Je suis désolé, je suis arrivé juste après la musique. T'en auras une autre après. Oui, c'est quoi, tu disais, excuse-moi, c'était donc... J'imagine c'est des droits d'auteur, mais c'est pas du salaire, c'est pas exactement la même chose. On vous a payé en droits d'auteur, ça devait être dans le contrat de droits d'auteur. C'est une somme pour un contrat. Ouais. C'est pas un salaire rémunéré. Chaque jour. Qui, pour dire les choses talentes, qui est payé sur les films? Le musicien, je suppose? Il a quelque chose, non? Le musicien a quelque chose. Oui, il y a le musicien, il y a l'artiste, il y a les frais de. Je parlais des frais parce qu'il faut aller quand même très souvent. Ce qui ne s'est pas produit avec Museaurama et Rocco, parce que là, pour le coup, on a essuyé tous les plâtres, on savait pas du tout où on allait, d'une certaine façon. C'est des prémices. Cette année, il faut transporter 10 artistes, il faut les nourrir, les loger. Donc là, on peut dire au micro, sans avoir des chiffres absolument, qu'a priori, avec les... Est-ce qu'il y a beaucoup de ventes télé à part Canal. Il faut appeler la prod, là, pour le coup. C'est vrai qu'il faut... Mais en fait, c'est un peu moi. J'ai pas voulu avoir la prod pour pas non plus... je trouvais rajouter au débat, mais bon, pourquoi pas. On pourrait essayer d'avoir une petite interview de la prod pour la prochaine fois, pour avoir des vrais chiffres. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire au micro que c'est, malgré les ventes Canal, on va parler des festivals après, hein, parce que je pense que les festivals, Olivier, tu peux nous le dire, est-ce que, puisque tu es réalisatrice ici, est-ce que réellement un film en festival, à part si on fait un film qui passe dans 350 festivals comme Madagascar, et qui fait, à part ça, est-ce que vraiment toi, dans tous les films que tu as produits des Trois Ours, est-ce que on fait réellement de l'argent en festival? Le producteur, en théorie, non. Alors, ça dépend des accords entre le réalisateur et le producteur, mais en général, ce qui est communément admis, c'est que quand il y a des prix en festival, c'est le réalisateur qui les touche. Voilà. D'accord. Sauf si effectivement il y a un cas particulier, le producteur a dû faire un investissement particulier sur le film, et à ce moment-là il peut y avoir une répartition entre le... Voilà. Mais donc parfois un film qui marche bien peut obtenir de nombreux prix et le réalisateur peut gagner pas mal d'argent. Avec, peut, il peut y avoir pas mal d'argent à la clé. Ouais, ah, donc oui, un film ça, comme... ça dépend des festivals, mais il y a des festivals où effectivement les prix sont très conséquents. À Annecy, il y a zéro, par exemple, mais à Dubaï, par exemple, je crois que c'était $20,000 pour le meilleur court-métrage, donc c'est conséquent quand même. D'accord. L'Inventeur, par exemple, qui a bien tourné au Rubika, qui a bien tourné, ces films-là, on sait, quand il y a un festival, c'est quoi? C'est l'école qui rempoche? C'est la boîte de production? Comment ça se passe? T'as aucune idée de d'où va l'argent? Moi, je travaille avec des producteurs en général, parce que je ne sais pas. J'ai d'accord. Je sais que nous, on a eu un prix, mais ça a été partagé entre les réalisateurs. Ah oui, oui, pour... Pour Musorama, vous avez eu de l'argent, oui. Et vous avez... Ouais. On a eu... La production a dispatché... C'est ça, on avait eu un prix, c'est un festival à Paris, tout court, je crois que ça s'appelait, ou... Ouais. C'est comme ça, et puis on avait eu une tablette Wacom à partager en 7, donc du coup... Bastien? J'ai rencontré des étudiants à Arles, hier ou avant-hier, qui avaient participé au laboratoire d'image, qui avaient gagné un prix, donc c'était 3000 euros, pareil, que c'était partagé... D'accord, donc c'est-à-dire que l'argent revient en fait au réalisateur, et à tous les resteurs, même aux illustrateurs, graphistes, ouais. Moi, j'ai une avance. Je crois que j'ai eu une avance sur droit pour l'écriture du scénario, le storyboard et puis sur mon utilisation de mon univers, mes dessins. D'accord. Petite avance. Hein. Puis on a inscrit tous les étudiants et ensuite, dans les écoles. Tout, on a un contrat de co-réalisation où on partage tous les revenus générés par le film entre les élèves et moi. Voilà. Est-ce qu'on peut dire pour l'instant qu'au niveau financier, le Labo d'Images... Après, comme tu dis, t'es pas le producteur, mais extrêmement fragile. Rapporte de l'argent, rapporte pas d'argent. Est-ce que là, au micro, on peut dire Au micro, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui serait bien, c'est que tout le monde en vive. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut pas comprendre une expérience, un laboratoire avec une production. Tu vois, c'est pas, on en est pas encore là du tout. Donc, mais le fait d'avoir par contre, l'idée d'y arriver, ça serait pas mal, puisque ça serait pas mal, puis ça serait pas mal, si tu veux que d'autres puissent voilà. Et le fait d'avoir une boîte de prod, est-ce que c'est pas ça qui peut poser problème par rapport à se dire bah tiens, si on ramène alors que si on restait dans quelque chose d'un peu plus artisanal? Bruno, je te vois faire Non, moi j'ai trouvé ça génial d'avoir d'être suivi par justement les producteurs qui nous ont vraiment encadré, protégé, materné. Dans notre cas, nous on est allé très souvent à Valenciennes avec des fois des séjours d'une semaine. Et eux étaient là aussi, et même pour les étudiants, c'était important d'être confronté au vrai monde, enfin au monde professionnel. Parce que là, tu dis... Et de voir les producteurs, de pouvoir poser des questions aussi sur les contrats, sur la SACD, sur comment ça se passait, puis d'être en... Enfin, ils pouvaient communiquer aussi directement, ils avaient le mail de la productrice. Je trouvais ça bien. Toi, tu dis que tu as dit que c'était sur 6 mois. Hein. Toi, en fait, c'était par intermittence. Oui, c'est ça. À Valenciennes, c'était plutôt sur 6 mois. Ah, donc c'était différent entre Valenciennes et Arles. Ce qui est surprenant, quand moi je ne connaissais pas, et quand on regarde sur Vimeo, quand même. D'abord, parce que je suis fait Michel Lagarde et graphiste de Michel Lagarde. Enfin, je sais que tu travailles avec Michel Lagarde, donc voilà, j'aurais dû regarder. Et surtout, je suis furieux parce qu'en effet, j'ai découvert, et je dis à Florentine qu'il faut absolument qu'elle regarde, mais j'ai regardé, le banc de bench que tu as fait. Alors, hop, tu vas me le dire avec. Kitty Crotter. Kitty Crotter. Et c'est super bien. Bah oui. Non mais vraiment, c'est même encore mieux qu'Egaro, je l'ai surpris. Non parce que c'est complètement, c'est un peu plus bordélique, c'est un peu moins en effet. Et c'est en fait Egaro, c'est une suite. C'est ça, oui, c'est-à-dire qu'on a parallèle. Enfin, on a ce personnage qui est tout seul sur son banc et qui ferme les yeux, et quand il ferme les yeux, il y a des choses qui lui arrivent. À la fin, malheureusement, ça se finit mal, alors que dans Egaro, ça se finit bien. Il est sauvé. Ouais. Quand tu disais que, je reviens juste sur, quand tu disais que tu me connaissais pas, c'est normal. Et je pense que ces dessins, personne les connaît. Parce que c'était un travail. Moi, je suis illustrateur jeunesse et je fais des dessins rigolos. Pour des magazines, tout ça. Et à côté, je fais des dessins vraiment, plus sombres, poétiques, mélancoliques et qui étaient un peu cachés. Et ça fait 2 ans que je les ai montrés pour la première fois. Et le film Le Banc, c'était la première fois que je m'en servais pour faire de l'animation. Et c'était pour une exposition avec Kitty Crotter. Où on a fait chacun des dessins de nos côtés, et ensuite on les a assemblés pour faire une rencontre. Et c'était pas un film qui était destiné à être montré sur Internet ou en salle, c'était vraiment dans le cadre de l'exposition, on avait fait une installation avec une salle noire, un banc, Et les personnes pouvaient rentrer dans cette petite pièce, s'asseoir sur le banc et regarder l'histoire de ce gros monsieur un peu triste qui reste assis sur son banc et qui rencontre plein de personnages bizarres sortis de nos imaginaires. Voilà. Qui est assez étonnant, qui reprend vraiment en effet, qui est vraiment la suite. Oui, alors j'ai même vu Stratégie. Tu avais fait des trucs pour Stratégie. Ouais, c'est... Ouais, ça change complètement. Régulièrement pour Stratégie Magazine, mais ça n'a rien à voir. Pour Astrapi, pour la pub. Ça n'a rien à voir. Donc, et moi, j'ai eu la chance, c'est que Christian est venu à l'exposition en question et il ne me connaissait pas. Et je pense qu'il a vu le film et il a eu un coup de cœur et c'est ce qui a fait qu'on a travaillé ensemble. C'est grâce à ça, Christian, c'est pas, tu connaissais pas en fait de non, je connaissais pas. Bruno du travail d'avance et par rapport au Mans, par rapport à cette expo. Toi, tu vas dans les concerts, moi je vais dans les expos. Où tu découvres des gens, voilà. Bah oui, oui, et puis, moi je suis enchanté de la rencontre et du film et peut-être de la suite. C'est pour ça que j'étais aussi stressé peut-être, parce que j'avais vraiment la pression. Moi, je suis le petit, petit artiste qui dessine dans son coin et quand je voyais les pointures qui étaient dans la liste à côté là. Sauf que les autres n'ont peut-être pas fait d'animation avant, et toi t'en as fait quand même, oui. Et c'est quand même, ça se ressent. Comment c'est passé justement? Est-ce que tu l'avais montré lors de ton passage? Comment c'est passé que les étudiants qui, faut le rappeler, sont étudiants, sont jeunes, connaissent pas forcément la réalisation, vous débutez, je regarde Raphaël, Bastien aussi, t'as été à cette époque-là à un moment donné, voilà. Comment s'est passé cette relation? Ça a été dur, comme on le voit dans Mon Sommaire, ou alors ils ont pris vraiment les petits morceaux? Ça a été dur, enfin... Moi, j'étais la caricature de l'artiste qui veut rien lâcher, mais je savais que c'était important, enfin au niveau de jusqu'à la modélisation et ensuite jusqu'au setup des personnages. Alors, ensuite, c'était dur aussi de communiquer parce que moi, j'avais pas le langage 3D. Mais par contre, des fois, je leur faisais des petites animations 2D, souvent, pour expliquer la démarche d'un petit fantôme. Ça, c'était pratique d'avoir ce genre d'outils. Raphaël, ça fait parce que pédagogiquement, on sent que c'est plus fort que ce qui s'est passé. On va pas mettre. Non, mais on met pas des gens contre les autres. Mais par rapport à Museau, par exemple, tu me dis que vous avez eu deux fois. C'est peut-être une différence de personnalité entre les gens, quoi. Il y a pas tout le monde est pareil. Il y a pas tout le monde peut recevoir ces dessins qui sont remis en 3D par d'autres gens. Et puis du coup, enfin, ça fait un clivage, quoi. Ils comprennent pas forcément. Alors peut-être qu'on préfère des fois laisser faire et plutôt que d'intervenir tout le temps. Ou alors au contraire être là parce qu'on est intéressé, parce qu'on a envie de voir ce que ça donne. Je crois. Bah, selon les artistes, il y a peut-être deux cas de figure. Des fois, des fois le film est une adaptation où l'artiste laisse son univers aux mains de l'équipe qui va l'adapter, puisque lui, il a pas envie de faire ça ou il a pas l'habitude. Et puis dans d'autres cas, je pense à Stan Evans et à mon cas. Les artistes se sont vraiment impliqués comme co-réalisateurs et c'était vraiment une équipe qui a fait le film avec l'artiste qui était là aussi pour être le plus chiant des. Ah, je crois qu'il avait peur justement Museau d'être un peu trop dur avec nous, quoi. Du coup, il a préféré mettre tout de côté, je pense. Oui, parce que c'est pas évident, vous n'êtes pas des pédagogues à la base, enfin. Non. En tout cas, c'est pas votre travail là. C'est, non. Et puis chaque élève aussi a une personnalité forte. Moi, je suis tombé sur une équipe vraiment géniale. Ils sont tous super bons. Et en même temps super sensibles, donc ils avaient vraiment envie de beaucoup apporter et on a eu plein d'échanges pour arriver à ce résultat, enfin le résultat de technique 3D qui mélange 2D, petit gribouillis et tout ça, et ça c'est resté sensible. Et donc des fois on s'est pris la tête, il y a vraiment des moments de clash, mais pour finalement ça débouche sur quelque chose de hyper positif. Et moi, j'étais hyper stressé au début, et aux deux tiers du film, j'ai enfin pu me relâcher, parce que j'ai pu, en fait, avoir confiance en eux, tout simplement. Et je savais que ça allait se faire, que ça allait être bien, et que... Enfin, bien... je savais pas si ça allait bien ou pas, mais je savais que c'était bien parti, quoi. Que je pouvais un peu lâcher et les laisser faire. Christian, tu veux dire quelque chose? Non. Tu sais pas, d'accord. Évidemment, comme d'habitude, je me rends compte que l'émission... va être trop courte par rapport à tout ce qu'on va dire. Il va falloir parler, j'aurais voulu parler. Juste avant de parler de ce qu'on disait aussi par rapport au nouveau film d'étudiants et tout ce qui peut se passer. Comment on travaille, on a entendu cette musique absolument incroyable qui fonctionne absolument merveilleusement bien. Tu as travaillé, tu le connaissais oui. Déjà. Tu as travaillé avec lui en lui montrant le storyboard. Comment c'est passé? Même pire que ça, j'ai habité avec lui pendant quelques années. Okay. Et c'est un très bon musicien, j'adore son univers, il fait vraiment des choses très belles, donc Micus nul. Et donc je l'ai contacté au moment où le projet s'est fait, et je lui ai demandé de m'envoyer plusieurs morceaux, et j'ai choisi déjà des petites mélodies qui pouvaient m'inspirer pour le film. Mais finalement, je ne suis pas du tout parti de ça. Et il a complètement réécrit à la fin du film, une fois que le film... D'accord. Enfin, il a d'abord eu l'animatique 3D, mais sans imaginer du tout ce que ça allait donner. Il a commencé à travailler. Et ensuite, la dernière semaine, en fait, les deux derniers jours, pendant qu'on terminait le film, on a eu, je crois, 23 échanges. Il y a eu 23 versions pour le sound design. Ah, et, ouais. Et à chaque fois, il ajustait, il réglait... Donc, comme avec les étudiants, ce qui était génial, c'est qu'on pouvait travailler tous les deux. Christian, c'est bien d'avoir quelqu'un comme ça qui, finalement, se donne à fond pour le, mais c'est génial. Pour le projet. Je suppose que ça ne doit pas être évident. C'est des jeux à chaque fois. C'est-à-dire, quand tu prends un artiste, tu n'es pas obligé de te dire non, mais en ça plus, va marcher ou ça ne va pas marcher. Non, mais en plus, pas... c'est même un petit peu insensé ce que je leur demande, hein, quand même. Je leur demande de quitter un territoire qu'ils connaissent bien ou, pour passer sur un territoire, en tous les cas, enfin Bruno le connaît un petit peu, mais le terrain d'animation, la plupart d'entre eux ne connaissent pas. Enfin, c'est insensé pour les étudiants aussi, parce que finalement ils se retrouvent avec quelqu'un qui leur demande des choses ou qui leur demande de mettre en mouvement un univers qui n'est pas fait à la base, en tout cas pour être en mouvement. Je suppose que les étudiants, ça doit être, non Raphaël, ça doit pas être évident de... Le bah, poids nous, qu'il doit y avoir. Nous, c'était intéressant pour nous. Enfin, vu qu'on y avait un univers graphique très, très spécifique de Museau, enfin, ou du dessin de presse, donc des trucs très minimalistes, ou alors au contraire, des dessins un peu naïfs, mais avec des gros coups d'acrylique, des gros coups de pinceau. Donc, du coup, il y a une démarche artistique à faire en 3D qui est intéressante, quoi. Qui sort des démarches habituelles. Bon, allez, une dernière pause, et après, on va avoir pas suffisamment de temps pour parler avec. Et Bastien, notamment, et Olivier, et avec Christian, de tout ce qu'on a à dire. C'est comme d'habitude, on a 2 heures, c'est déjà énorme, et en fait, on devrait avoir 4 heures. Mais voilà, on n'a plus qu'à espérer qu'une chose, c'est que l'émission d'après soit un peu en retard. J'y crois pas, mais bon, voilà. Mais quand même, on met un peu de musique, parce que ça fait du bien, même si vous allez voir, mais voilà. On va écouter donc le prochain morceau, qui est un groupe japonais qui s'appelle Maximum The Hormone. Le morceau s'appelle Chimie, vous allez voir, il passe de la J-pop au hardcore, en passant par le métal, en passant par du hard rock, enfin ça passe dans par tous les trucs. Donc voilà, c'est un peu plus léger. Oh, Et voilà, toujours Bulle de Rêve, Radio Libertaire. Vous écoutiez Maximum The Hormone. Chimie, c'est sur leur dernier album qui est un best-of avec pas mal de choses, mais voilà. Disons que vous êtes toujours sur Radio Libertaire, bien sûr. 01 43 71 89 40. Je voulais le dire 90. Enfin, je voulais le dire en. Mais j'arrive pas, c'est pas grave. Toujours comme ça, sans fièvre, ça sert à rien. Alors, j'avais noté quoi? Boîte de prod, Christian, édition. Ah oui, édition, distributeur. T'as sorti un gros truc en édition Sarbacane, sold out. Ça, tout s'est vendu. Tout, oui, je pense. Par contre, tu sais, moi, je viens de l'édition. Le fait de déplacer un petit peu aussi le média dans un autre, ça m'intéresse toujours. Donc, le fait qu'il y ait un objet en librairie était pour moi aussi le fait d'aller jusqu'au bout de la logique et de mettre en valeur en fait le travail de et des artistes et des étudiants me semblait vraiment indispensable. Le film, les films sont distribués. Ça, c'est à moi, c'est une petite chose sur laquelle, alors là, je me fais l'avocat du diable, mais je t'en ai déjà parlé, donc il n'y a pas de. Les films sont distribués par Autour de Minuit. La semaine dernière, le directeur, le responsable d'Autour de Minuit était autour de cette table avec Francis pour parler, Nicolas Schmerkin. Est-ce que là, il n'y a pas un problème? Est-ce que là, sincèrement, c'est-à-dire que moi, je trouve que c'est un truc pédagogique absolument incroyable. Non, mais après, tu peux me dire, moi, j'en sais rien, il faudrait voir ça avec Schmerkin et j'ai pas envie de répondre. Hein. Mais voilà, je toujours dis ce que je disais au micro. Enfin, voilà. Est-ce que là, il n'y a pas un problème? C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est super intéressant. Par exemple, Canal J, ben, il ne le présente pas en festival. Il le présente groupé comme ça. Est-ce qu'on ne devrait pas, en fait, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est ce que je trouve extraordinaire, le laboratoire d'image devrait rester quelque chose de compact, une heure, et le proposer au festival en disant, regardez ce qu'on peut faire entre des artistes, des étudiants qui sont dans la réalisation, et regardez tout, même des choses, moi, que je trouve vraiment pas terribles, comme dans la deuxième saison, dans la première saison, des choses que j'aime bien, et évidemment, d'autres personnes vont trouver l'inverse. Absolument. Est-ce qu'on devrait pas rester? Est-ce que tu penses que là, il n'y a pas quelque chose où on va un petit peu trop loin, ou alors dans ce cas-là, peut-être les garder dans les films étudiants. Alors, ce qui est vrai, c'est que, il vaut mieux que tu poses la question à Nicolas Schmerkin, ça c'est sûr, mais en dehors de ça, je pense qu'on fait aussi un métier pour. On fait des objets pour être vus, tu vois. On fait pas des films pour. Mais les montrer en une seule fois, ils seront vus. Genre, de dire au Festival d'Annecy, par exemple, attendez, là, nous on vous propose le bloc, ce que vous avez fait. Très bien. Mmh. Et ils ont été montrés en un seul bloc. Est-ce que là, par exemple, je sais que certains professionnels ont trouvé ça un petit peu difficile d'imaginer et. Ça devient de plus en plus délirant et on va demander à Olivier Bastien aussi par rapport à ça, parce que il n'y a pas que le laboratoire d'image. Moi, j'ai vu en compétition à Annecy un film de la National Film and Television and School avec les poupées là, très très beau, repris par Sémaphore, donc boîte polonaise de production. Donc c'est pas le labo d'image, c'est juste, est-ce que là on n'a pas est-ce qu'en effet il devrait pas être dans la section étudiant et vu aussi dans la section étudiant, ce qui est déjà très bien. Est-ce que là, il n'y a pas un problème? Je ne sais pas si Christian, Olivier, parce que c'est pour ça aussi, est-ce que toi, en tant que producteur, mais plus que producteur, parce que si je te voulais là, c'était aussi parce que, on le sait bien, des années à l'AFCA, et puis tu connais bien le monde de l'animation, donc ce n'est pas forcément le côté production, c'est est-ce que là, il n'y a pas un petit... Je fais le geste à la radio, ce n'est pas terrible. Et j'ai mes deux points qui se cognent les uns contre l'un contre l'autre. Je ne sais pas, voilà. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire, Alexis. En fait, je pense que ce projet, donc, qui est à la fois une expérience pédagogique et en même temps une production professionnelle avec une diffusion professionnelle, commerciale, est entre deux choses. Et du coup, il a révélé un certain nombre de problèmes qui étaient latents dans l'animation depuis des années, en fait. Et il a cristallisé des critiques, des polémiques, plusieurs polémiques en fait, de façon, tout simplement parce qu'il est arrivé au moment, il y avait une forme et il est arrivé à un moment où, les questions se sont posées tout d'un coup. Donc il y a plusieurs choses, j'ai relevé les questions par rapport à la pédagogie, effectivement, j'ai eu des échos comme quoi les étudiants ont dit qu'ils n'avaient pas forcément été très bien suivis, qu'ils avaient été un peu lâchés, tout ça, c'est pas une question qui concerne le producteur, mais en fait c'est pas lié au projet lui-même. C'est vrai que c'est une expérience un peu compliquée de faire rencontrer des artistes et des étudiants, mais c'est plutôt lié à l'école, ça. On a bien vu que c'était aussi différent selon les artistes, Bastien. En fait, moi j'ai enseigné à Super Infocom donc il y a un an, et je faisais des cours très techniques sur le setup et le skinning, donc une étape à pas trop louper dans la formation. Et alors j'avais un il y a avait un groupe d'étudiants qui était dans ma dans la classe dont j'avais la charge. Je pense pas, enfin je pense que Christian va confirmer ça, je pense pas que ce soit le groupe avec qui ça s'est le mieux passé, donc c'est le film avec Placide Théou. Et donc voilà, moi je donnais un cours à la classe sur des points techniques où j'avais l'ensemble de la classe qui suivait un cours et dans un coin, dans l'autre salle, il y avait trois étudiants, quatre étudiants qui faisaient leur film. Donc le problème qui s'est posé, c'est que dans ce groupe, il y avait une personne qui était très calée en setup skinning, qui s'est occupée de tous les setup skinning de son film. Juste pour les setup skinning. Alors c'est fabriquer les squelettes pour la 3D et relier la peau, faire les réactions des muscles et les différentes déformations pour que le personnage se déforme harmonieusement. Donc c'est vraiment quelque chose de pas du tout évident. Et donc de ce fait, les trois personnes qui étaient dans ce groupe avec le quatrième qui était très balèze dans ce domaine n'ont pas du tout approché ce point pédagogique parce qu'ils étaient distraits par ce projet et que l'élève qui avait des capacités parce qu'il était autodidacte, il avait appris ça par lui-même auparavant. Du coup, a pris en charge ça, et puis après, il n'y a plus de moment pour eux, pour se poser. Voilà. Donc, comme dit, juste pour comprendre, comme dit Olivier, là, on est dans un problème qui est un problème de l'école et de peut-être intégration pas complètement réussie d'un exercice qui a pourtant été demandé, comme tu nous le disais, Christian, au début, dans une pédagogie, dans une tentative de pédagogie. Donc là, c'est l'école, comme tu disais, Olivier, qui visiblement aurait, sur certains trucs, des petits ratés. Alors là, je pense que ça, c'est quand même... Il aurait fallu que la directrice de l'école soit là, décidément. On connaît pas mal de gens qui pourraient... Il aurait fallu que les étudiants qui ont fait le film soient là aussi. Il aurait fallu un plus grand studio. Oui, mais il aurait fallu, voilà, c'est ça, il aurait fallu plusieurs émissions. Non, bon, je pense que ce film est un cas particulier, puisqu'il y avait que ce petit groupe dans toute la promo qui faisait... Je sais pas comment s'est passé à Arles à ce moment, mais si t'as toute la promo qui, pendant un temps donné de 4 semaines comme eux, ça je trouve que c'est la formule qui me semble la plus intéressante, parce que d'avoir une échéance de 6 semaines, ouais. 6, tout à l'heure j'ai dit 8. 8 c'est pour le labo 2. On va faire une moyenne, voilà, donc je tourne autour, j'étais pas là. Donc 6 semaines, je trouve qu'avoir comme ça une échéance super courte, c'est très très très très court, 6 semaines, c'est assez surhumain, et donc d'avoir un exercice, non mais vraiment... Oui, bah oui, oui, oui. Quand on est animateur, on pense 3 minutes, 6 semaines, c'est énorme, ouais. C'est un énorme défi. Hein. Là, il y a pas longtemps, j'ai fait une prod de 2 minutes 30 en 6 semaines. Et ben, on était 3 et on a bossé 7 jours sur 7, 12 heures par jour, quoi. Et on s'est tué. Donc, je veux bien croire que c'était très dur. Donc, je trouve ça intéressant d'avoir cette petite performance sur le délai et que ce soit quelque chose qui apparaisse à un moment. Par contre, là, ce groupe qui avait ce projet qui a traîné toute l'année, qui était étalé en longueur, avec passer de leur projet personnel à un exercice pour un tel, au scénario pour tel film de fin d'études, et revenir entre deux au projet du laboratoire. C'est un peu... Ça éparpillage. Donc Olivier, problème, voilà, Christian, d'accord. Olivier, problème, donc là on l'a vu, problème pédagogique. Raphaël, tu voulais dire juste un... Je confirme ce qu'a dit Bastien. D'accord. Oui, non, c'est plus un problème d'organisation pédagogique au sein de l'école, on voit bien, ou de suivi, okay, au sein de l'école, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a je pense que ça apporte beaucoup aux étudiants dans l'expérience pédagogique, au niveau de la confrontation à ce que c'est qu'un travail de commande, rencontre avec travailler avec un autre artiste et tout ça. J'imagine que quand même la plupart d'entre vous, même si ça s'est mal passé, vous en avez tiré pas mal de choses pour l'avenir. Bastien, tu voulais rajouter. C'était mal passé. non, parfois je sais que ça s'est mal passé. J'imagine que la plupart des expériences ont été positives pour les étudiants. Voilà. Bastien, toi tu voulais rajouter autre chose après, parce que sinon on va continuer, puis tu pourras réagir sur... Okay. Les points que fait Olivier. Donc toi tu avais donc pédagogie déjà. Ouais, il y a ça, il y a le statut d'auteur. J'ai noté, alors évidemment, ouais, avec tout ce qu'on va dire, évidemment je rêve pas, les écoles écoutent pas, Nicolas Schmerke n'écoute pas d'autour de minuit, mais évidemment s'il y a un droit de, pas de réponse, mais enfin voilà, c'est quelque chose, bien évidemment je serais ravi de qu'ils viennent les accueillir ou qu'on puisse peut-être aller les interviewer. Il y a la prod, l'école pour l'instant, ouais, le distributeur décidément. Olivier. Et ensuite, il y avait la question du statut d'auteur des étudiants. Apparemment, ça s'est élaboré en cours de fabrication des films, donc plutôt dans le bon sens. Et puis après, effectivement, le fait que les films soient diffusés commercialement. C'était pour la première saison. Pour la première saison, bien sûr, j'imagine bien. Pour la seconde, globalement, ce qui s'est passé sur la première, c'est qu'en fait, La production avait promis des contrats au début, et puis au final, voilà, ils sont arrivés à la fin. Là, on s'est dit que pour que tout le monde soit d'accord, les contrats seraient signés dès le début pour éviter justement des frottements ou ce genre de choses. Donc c'était... Le problème qu'il y avait, là, Olivier, c'était juste donc l'idée. Donc les contrats sont là, c'est des contrats de droit d'auteur, mais tout le monde est sur la même base. Et puis des lectures de contrats, c'est-à-dire qu'aussi on apprend aux étudiants à lire leurs contrats et à savoir ce qu'il y a dedans, par exemple. À un moment, on s'aperçoit aussi que des contrats, il faut savoir les interpréter. Il faut aussi savoir s'inscrire à une société d'auteurs aussi. Il y a aussi toute cette espèce de pédagogie qui rentre dans le projet. Évidemment, bah tiens, si je te donne la parole, mais t'as la bouche pleine de manger une barquette des gâteaux, ça va bien. Je veux parler. Oh, oui. Non, j'ai une petite question pour Olivier par rapport aux questions des droits d'auteur. Je me trompe peut-être, mais est-ce que quand on paye des droits d'auteur, est-ce que ça peut pas être inférieur à 50% du salaire versé? C'est-à-dire que si on verse 100 euros de droits d'auteur, il faut qu'il y ait au moins 101 euros de salaire de versé? Bah, c'est-à-dire que des contrats avec des droits d'auteur sans salaire, je connais pas, en fait. Mais on est avec des étudiants, donc. En animation, je parle bien sûr. C'est ce que j'ai toujours entendu. On est dans un cas où, évidemment, on ne peut pas payer les étudiants en salaire. Ça paraît impensable. Donc, de toute façon, on est dans un cas qui n'est pas prévu, qui est forcément à la limite. Et donc, où pourrait se situer? Alors, on l'a vu, pédagogiquement, c'est intéressant. Artistiquement, il est évident qu'il y a des films qui en tout cas sortent aussi bien dans la première saison que dans la deuxième saison. On peut pas dire, il y a des choses qui sont complètement différentes. J'ai déjà dit, moi, les films que j'aimais bien, le film de David Bay était intéressant évidemment dans cette saison là mais voilà, les Sophie Dutertre, Serena Sous, mais l'année dernière, il y a quand même des films comme Contourner, l'inventeur, qui est super intéressant, même au niveau juste du pitch, quoi. C'est incroyable de faire un film avec voilà une histoire comme ça. Il y a un peu moins que j'aime bien dans la première saison, mais il y a des choses intéressantes. Musorama est évidemment intéressant. Non, mais en plus, vraiment, c'est pas parce que t'es là, hein, que je dis ça. Le film des Jean-Claude, mais bon, parce que voilà, ils ont un univers que moi j'aime bien, et je suis pas sûr que le film soit complètement... Mais enfin, il y a des choses qui sont voilà. Et puis dans la dernière, moi, il y a des films que j'aime pas, mais qui sont très bons. Beb Dum, sais je pas comment c'est comme ça qu'on prononce. Beb Dum, il est super intéressant. Laurent Durieux, ça m'intéresse pas du tout, mais c'est évident que le film se tient, etc. Donc artistiquement, on est d'accord que c'est important. Enfin, en tout cas, c'est intéressant. C'était le postulat. Voilà, c'est presque plus intéressant qu'un LG. Faut le dire. Non, mais c'est deux choses différentes. C'est deux choses qui sont différentes aussi. Non ? Je voudrais aborder un point qui me semblait assez important d'aborder dans cette émission. Et j'aime bien quand tu parles comme ça. Voilà. je veux passer la seconde. Là, je suis content qu'Olivier soit là parce que j'étais pas au courant qu'il était là. Donc c'est très bien. Il y a des surprises des fois dans cette émission. Moi non plus, j'étais pas au courant. Sur l'aspect, la nature du projet, la question de la fabrication de produits de films au sein des écoles. Est-ce que c'est là on n'a pas attaqué un tournant l'industrie et est-ce que de faire comme ça une première expérience de lancer des étudiants qui vont fabriquer un objet qui est acheté par une chaîne, c'est pas ouvrir la porte vers une généralisation de cette pratique et qu'à terme, le producteur qui va pas employer des étudients pour faire ses films se retrouvera le bec dans l'eau parce qu'il aura pas il sera plus compétitif. Il sera obligé de prendre que des. Ouais, alors, Olivier, juste, est-ce que ça c'est quelque chose qui vient pas déjà, donc c'est des écoles qu'on aime beaucoup. Prochaine émission devrait être sur la Poudrière qui travaille avec Arte Canal Plus, Superfocom qui travaille avec Canal depuis des années, les Gobelins travaillent avec Annecy, mais voilà, c'est différent, mais travaillent avec des producteurs. Juste au passage, je vais en parler, c'est très bien que t'en parles, disais hors micro, moi j'ai des étudiants Gobelins qui en effet vont faire un stage là pendant un mois à quatre et bon, ils sont plutôt bon, et vont faire un film pour telle ou telle boîte qui vont l'utiliser pour même leur compte CNC par la suite. Ça va engranger. En effet, est-ce que voilà, ça vient de quelques années maintenant déjà, ça a commencé en fait par l'achat par les chaînes de télé de films de fin d'études pour diffusion donc commerciale. Et c'est à partir de là où on commençait les problèmes pour les écoles, parce que c'était absolument pas prévu. Et on a vu à Supinfocom notamment, il y a eu des tas de problèmes, il a fallu que la SACD intervienne. Finalement, l'école a fini par mettre les choses à peu près au carré, même s'il y a encore des problèmes avec les musiciens, il y a encore des choses qui vont pas. Les écoles sont obligées d'inventer des modèles de fonctionnement qui étaient absolument pas prévus, elles sont pas préparées à ça, elles sont pas préparées à gérer des droits d'auteur et tout ça. Enfin, c'est d'une complexité énorme. Et alors là, on est sur une autre star, on n'est plus sur l'achat et la diffusion commerciale de films de fin d'études, on est sur des productions hybrides. Où là, ça rend les choses encore plus compliquées. Alors on voit qu'on a quand même avancé, puisque là il y a des contrats d'auteur, avec effectivement les étudiants touchent des droits sur la diffusion des films et tout ça. Mais on est vraiment entre les deux. Les chaînes investissent de l'argent dans ces films. Effectivement, ça pose un vrai problème aux producteurs. Alors toi, en tant que producteur, voilà justement, comment toi tu... Sans dire, encore une fois, on l'a bien vu, hein, c'est pas le labo d'image, c'est pas uniquement ça, c'est Supinfocom. Si les Gobelins se mettent à faire des courts-métrages aujourd'hui, c'est parce que ils se rendent compte que Supinfocom ça cartonne quand il y a Overtime qui a fait le tour du monde. Ils se disent nous on est connus, mais on pourrait être aussi connus par rapport à nos talents artistiques, etc. Et donc il y a une envie absolument, et il y a de plus en plus de films d'étudiants qui gagnent des grands prix dans des festivals, ce genre de choses. Comment en tant que producteur de cours? Alors moi je suis partagé en fait. Je trouve extrêmement positif que les étudiants aient à se confronter dans des expériences comme ça ponctuelles à des entreprises professionnelles, on va dire, à faire un producteur et à travailler avec un artiste extérieur, tout ça, je trouve ça très positif. Mais en même temps, ça pose des problèmes, parce que du coup, on a une diffusion commerciale de films pas produits dans des productions, dans des conditions professionnelles, sur un secteur qui est extrêmement fragile économiquement, et donc ça fragilise la position des producteurs, alors à différents niveaux. On parlait des festivals, effectivement, le fait que ces films se retrouvent en compétition au Festival d'Annecy, c'est embêtant, parce que les producteurs, quand ils ont des sélections ou des prix, ça leur amène des points pour pouvoir ensuite produire des films dans des conditions professionnelles où on paye les gens. Voilà, donc c'est important pour les gens qui travaillent dans ce domaine. Mais c'est pas nouveau, hein. Annecy a toujours accepté en compétition professionnelle, enfin c'est pas professionnel, en compétition de court-métrage des films de fin d'études. Sébastien Delbecq disait qu'il se souvenait, lui son film était plutôt en professionnel, même si c'était hors compétition. Les étudiants sont libres d'inscrire leurs films à titre individuel en compétition de court-métrage. Ils sont pris, ils n'ont pas pris, mais c'est un. Donc là, il y a un problème d'Annecy. Et puis le problème de la diffusion des chaînes de télé, c'est vrai que c'est plus simple pour les chaînes de télé de diffuser des films qui leur coûtent assez peu, parfois pas du tout. Arte Allemagne diffuse des films qui leur coûtent rien avec des écoles d'animation en Allemagne. Comment ça? Ce que se refuse à faire Arte France, par exemple. C'est-à-dire qu'ils sont là au début. Oui, c'est un espèce de concours et les films sont diffusés. Tu me diras, c'est ce que fait Arte France sur les concours en ligne. Voilà. C'est pas la diffusion antenne où effectivement là il y a des achats de droits, etc. Et puis, alors là où ça commence à devenir vraiment problématique, c'est sur le mode de financement. Si type de projet là, hybride, quel que soit le projet. Et commence à toucher des subventions publiques, des subventions régionales, etc. Là, on sait que c'est très compliqué pour les producteurs, c'est des enjeux énormes pour pouvoir arriver à faire les films dans des conditions correctes. Si effectivement il y a la concurrence de films qui sont entre des films de fin d'études et des films professionnels, là, ça commence à devenir très très compliqué pour ce secteur d'activité. Je sais. Christian, tu voulais dire un petit mot? En fait, c'est compliqué, mais parce que c'est compliqué, parce que c'est une expérience et que en fait personne n'a encore mais moi personnellement je ne connais aucun artiste contemporain qui ne fonctionne pas de la même manière. Enfin, je sors du débat pour aller sur d'autres terrains. Je ne connais pas un graphiste ayant pignon sur rue qui ne fonctionne pas de cette manière-là aujourd'hui. Je connais pas un architecte qui ne fonctionne pas non plus de cette manière. C'est-à-dire que à un moment, c'est une pratique où je pense en ce moment tout le monde cherche quelque chose. C'est-à-dire que tout le monde invente aussi, ou tout le monde tente d'inventer une nouvelle façon de fonctionner, parce que tout le monde sent qu'il y a des formes sur lesquelles on était bien installé, qui sont fragiles en ce moment, ou qui sont en passe de devenir autre chose. Sauf que, est-ce que Christian, excuse-moi de te couper, est-ce que là on n'est pas dans deux choses différentes? C'est-à-dire que là on est aussi dans quelque chose, dans une expérience cinématographique de collectif. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose, on a plusieurs personnes aussi qui sont autour. Un illustrateur est souvent, comme nous le disait Bazan Bruno, il travaille dans l'illustration jeunesse. Parce que peut-être évidemment il aime ça, mais aussi pour. Et puis à côté de ça, il a ses monstres, ces fantômes qui petit à petit apparaissent finalement. Et il invente sa propre économie. au fur et à mesure, sûrement, en cinéma, c'est quand même une économie qui est largement plus lourde, on l'a vu, c'est c'est un rapport d'économie, mais il se trouve que je vais ouvrir un nouveau laboratoire avec le livre électronique et ce genre de choses, et que là, les écoles, encore une fois, sont vraiment à la recherche aussi, je dirais de... Alors, est-ce que ce sont des meneurs ou voilà? Mais imagine, si tu veux, que le monde de l'édition me tombe dessus parce que je fais des livres avec des étudiants. Enfin, si pour aller dans la logique de ce qu'on est mais en train de raconter. C'est possible si d'un seul coup, l'un des prix, l'un des livres a le concours en mais disant, mais ça a été fait par des... Enfin, je sais pas, il y a des facs de romans, de romanciers, enfin, on peut devenir. Bah justement, c'est ça qui serait drôle. Parce que là, on est encore une fois. Je comprends très bien le cinéma et on peut le regretter, hein. Mais le cinéma, en effet, il y a de l'argent derrière. Il y a toujours. Il y a quand on fait Florentine, elle fait ses films. Et s'il y a pas le CNC, ben Bastien aussi. S'ils ont pas le CNC, c'est Lucie. Tu dis, il y a de l'argent. Moi, je dirais plutôt, il y a un peu de l'argent de façon limitée. Non, mais quand je dis, il faut que ça se soit réparti. Quand je dis, ça coûte cher. C'est ça que je voulais dire. C'est qu'un film coûte cher et qu'en effet, t'as raison. Il y a peu d'argent finalement. Donc c'est peut-être ça aussi la problématique. C'est finalement d'avoir, c'est terrible, mais d'avoir un gâteau et de se dire, oh. Les parts deviennent de plus en plus petites. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces petites parts, sachant que peut-être qu'il y a certaines productions qui peuvent se permettre d'avoir des toutes petites parts. Je sais pas, Olivier. C'est pas terrible mon image. Je suis d'accord. Mon image de gâteau était pas forcément. Elle est pas mal. Mais... Surtout quand tu penses à la petite histoire où le gouvernement a tiré 10 millions. Je crois que c'était 10 millions d'euros du gâteau. Enfin, déjà, il y a un gros croc dedans. Je crois que c'est à Christian en fait. Encore une fois, c'était pas le labo en lui-même. C'est juste la nouvelle position. Des écoles. Non, que le labo cristallise ça, c'est une chose, mais. Je me souviens juste du laboratoire de l'ORTF, je sais pas si tu. Voilà, qui a généré des histoires comme les Shadocks et ce genre de choses. C'est qu'à un moment, il y a une production qui est, par rapport à des problèmes économiques et ce genre de choses, qui ne peut plus faire ce genre de choses. À un moment, les labos de post-production, la création se passait là-dedans pendant un certain temps. Aujourd'hui, l'économie fait en sorte que c'est plus tellement possible. Sauf que Roussel n'était pas étudiant. Quand il fait les Shadocks, c'est pas un labo étudiant. Oui, mais enfin, c'est un labo quand même. Si tu veux, tu sais très bien qu'un dans un labo, on est bien placé pour le savoir en France qu'on n'aime pas tellement les chercheurs et que donc ils sont un peu sous-payés. Donc, oui, mais les gens qui font des courts-métrages aussi. Oui, non, mais c'est ça, en fait. Mais je crois que c'est là où c'est il a. C'est général, ce mode de création. C'est que je sais pas, quand tu fais le banc, Bruno. Moi, je savais pas qu'on pouvait faire des films et avoir des aides ou de l'argent. Moi, je suis pas intermittent. Enfin, quand je suis illustrateur, je crois que ça repose aussi souvent sur la passion des gens. Enfin, pour le laboratoire, c'est vraiment. Ben voilà, il y a pas d'argent, il y a des règles un peu floues parce que ça existe pas, donc il faut peut-être réinventer tout ça, mais tout repose sur la passion des élèves, des artistes. Un peu sur un banc de l'art. Après, aussi. Il se trouve qu'à la fin, il y a des films, alors les films, il faut bien les montrer. Enfin, je sais pas. Sauf qu'à la différence, c'est que toi, quand on voit le banc, on est loin de. Des films soi-disant d'artistes contemporains qu'on peut voir des fois au Frénois qui soi-disant réinventent l'animation et qui juste réinventent une manière de faire un 20 lignes sur le bord pour nous faire croire qu'ils ont inventé quelque chose de nouveau et qu'ils ont rien inventé et qui eux touchent aussi pas mal de subventions en fait. Est-ce qu'on n'est pas parce que non parce que ça c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est dans quelque chose de très précaire à tous les niveaux, et le petit monde de l'animation, on le voit bien. Parce que ça revient, on va bientôt terminer, hein, deux minutes, on mettra pas de fin, c'était Peter Falk à la fin dans Les Ailes du Désir, tant pis, on n'écoutera pas Peter Falk. Tu me dis, Nicolas, et pour l'émission d'après, tu me dis, bon, on arrête maintenant. Olivier, est-ce qu'on n'est pas dans ça? C'est qu'on avait fait une émission par rapport au CNC, et le fait que déjà l'animation à l'intérieur du CNC, carrément, c'est peau de chagrin. Est-ce que c'est pas ça aussi le problème? Oui, c'est vrai, mais en même temps, ce que dit Christian n'est pas faux. C'est-à-dire que le subventionnement public des films d'animation, quelque part, a tendance à orienter les films et peut-être nous empêche une liberté de création dans un certain sens, si tu veux. Mmh. C'est vrai que quelque part, on calibre les films dans ce sens-là. Mais en même temps, il n'en est pas vrai, pas moins vrai qu'on produit des films, parfois des courts-métrages qui sont longs, difficiles à faire. Il y a plusieurs personnes qui travaillent dessus pendant des mois. Parfois, les réalisateurs, souvent, ils passent un an ou deux ans. On peut pas faire ça simplement à la maison. C'est impossible. Parce il y a des tas de projets qui ne pourraient tout simplement pas exister s'il n'y avait pas de financement. Voilà. Mademoiselle Kiki et Montparnasse, bah, c'est évident que sans financement, c'est absolument impossible. Bah, là, on en est à deux ans et demi, quelque chose comme ça, de travail en continu. Alors, c'est vrai qu'il y a différentes étapes sur le film. Et la réalisatrice n'est pas payée tout le long de la production. C'est impossible. Hein. Pourtant, c'est un film bien financé. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir un équilibre, de réussir à avoir aussi bien tenter d'avoir le banc, d'avoir Madagascar, voilà, d'avoir exactement. Kiki, d'avoir Roux, d'avoir... Tout doit pouvoir exister. Simplement, c'est une question d'équilibre. On est bien d'accord. Y compris dans des expériences qui sont des expériences pédagogiques avec des écoles. Il faut savoir ne pas aller trop loin pour pas déséquilibrer un système qui est extrêmement fragile. Mais je pense qu'on a besoin de ce genre de choses-là. Mais on peut vraiment... Est-ce qu'on atteint tous un équilibre? Est-ce que c'est possible? Bah, c'est délicat. Ça me paraît carrément fou de pouvoir imaginer. Et puis comme c'est très tendu, il y aura toujours des tensions, il y aura toujours des choses qui vont être compliquées, des gens qui vont râler et tout ça, c'est normal. Mais voilà, il faut savoir ne pas aller trop loin. On peut pas imaginer produire des gros projets sous cette forme-là en faisant travailler les étudiants, c'est pas possible. Bon, on va arrêter. Nicolas me fait un petit signe, donc on va arrêter. Merci beaucoup. On aura fait que effleurer tout ce qu'on aurait pu dire. Regardez le labo d'images, il y a tous les renseignements sur Bulle de Rêve, le site. Certains films comme Usorama sont déjà en ligne. Voilà, ça aussi c'est le flou parce que je sais pas si la boîte de prod sait que les films sont en ligne. Est-ce que les films ont le droit d'être en ligne? Enfin bon, voilà, j'espère que en tout cas ceux de la saison 2 se... Oh. J'adore quand tu dis ce genre de choses parce qu'à mon avis il y a plus de soucis. Merci beaucoup Olivier d'être passé, tu devais partir, c'était au moins le quart. Merci d'être resté, merci à Bruno, merci Raphaël, merci bien sûr Christian, merci Bastien. C'est quand qu'on voit ton prochain film? Tu viens nous en parler mais un an et demi. C'est sur quoi? Sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc tu continues. Ouais, c'est pas un carnet de voyage. C'est pas un carnet. Bon, c'est une fiction. Bon, bah, tu viendras nous en parler après la merveilleuse aventure de Madagascar. Et Florentine, c'est quoi qu'on voit ton prochain film? Alors, pas tout de suite. Hein. Comment ça? Je finis le scénario déjà. On va la laisser avec son producteur. Merci infiniment, merci pour avoir tout ça. Je suis sûr qu'il y en a plein derrière le micro qui disent: ah, oh, putain, mais ils n'ont pas parlé de ça. Je suis désolé, je vous souhaite une bonne. Au 16 juillet. Bonne soirée, on se revoit le 16 juillet, puis on viendra pour la saison 3 et pour tout ça. Merci à tous encore. Walking, looking and seeing. I wish you were here, Grandma. This must be the station they told me about with the funny name. Not the station where the train stopped, but the station where the station stopped. Hey, was ist das, der Columbo? Nee, glaube ich nicht. Nee, aber doch nicht mit dem schäbigen Mantel. Ja, stimmt. Ach, der rennt doch hier nicht durch den Mantel. Bist du verrückt? I can't see you, but I know you're here. I feel it. You've been hanging around since I got here. I wish I could see your face. Just look into your eyes and tell you how good it is to be here. Just to touch something.